Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. Bienvenue à C'est fou le sexe en ce merveilleux 30 janvier déjà. Encore ici Anthony Morin pour vous servir, votre joyeux animateur en compagnie de Pierre Soucy. Pierre Soucy, joyeux chroniqueur, joyeux co-animateur. Et la boîte. Et oui, que j'ai pas ouvert le bon micro, bâtard. Hey, salut! Ben voilà. La chère Mélanie. Cette chère Mélanie. Et comme je disais sur notre page Facebook en direct, ben Natacha ne sera pas là. Non, c'est malheureux. C'est malheureux, on la regrette, mais en même temps, Mélanie va relever le défi. J'espère que Natacha nous écoute malgré qu'elle est. Je ne sais pas si elle nous écoute. Si elle nous écoute, elle va nous faire un bye-bye. Mais qu'est-ce qui se passe sur notre demain, page Facebook? Demain pour Natacha? Demain, c'est sa fête. Oh, Colin. Je sais pas quel âge qu'elle va avoir. Hein? Faut pas dire ça. Faut pas dire pas, ça. On dit pas ça. Non. Pas non, d'une femme. Non. Non. Pourquoi? Ben, je suis une femme qui est jeune. Mais pourquoi? Qui paraît bien. Non, non, c'est comme. Pourquoi plus une femme qu'un homme? Faut pas dire une femme, oh, t'as l'air ci, t'as l'air ça, t'as pris du poids. Non, mais un homme non plus. C'est la même chose. Ben, des fois, ça dépend des mots, ça dépend de la phrase, ton nom de phrase. Ouais. Mais c'est pas de rester dans les stéréotypes, ça? Mais est-ce que, justement, tu parles de rester dans les stéréotypes, est-ce que la femme, est-ce qu'on n'est pas obligé depuis plusieurs années de faire attention à notre corps, de faire attention à ci, puis pas paraître trop vieille? Et ben, écoute, Nathalie, c'est pareil comme je te disais, je t'ai pas vu depuis, admettons, un mois. Ben, je t'ai oublié son nom. Je te vois. Non, non, mais Mélanie, c'est ça? Non, t'as dit Nathalie. Ah, oh, j'ai dit Nathalie. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, écoute, je relève les malades. Oui, ça, on dit sa médication qui fait ça. Tu sais, je te dis, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je disais, hey, tabarnak, t'es bien grosse, hostie. Au lieu de dire, écoute, ça va bien physiquement. Ça va bien physiquement. Ça passe plus. T'es grosse, tabarnak. Tu me fais très mal. Non, mais non, faut pas dire ça. Il dit, oh, il est en forme. Il était tout petit, il avait 5 ans. Il était drôle. Oui. Il y a des mots, une façon de tourner. C'est des tournures de phrases pour que ça soit mal interprété. Là. Oui, bien, il y a toujours le bon vieux tac qui s'applique avec, avec un peu tout le monde, en fait. Tout le monde. Qu'on ait un vagin ou qu'on ait un. Quoi? Oui, un vagin, j'ai dit vagin. Ah, okay, bon. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots quand même. Non, non, c'est qu'on vrai. Ait un vagin ou un pénis, ça ne change pas grand-chose. Ben oui, j'ai dit pénis à radio. Pas tant. Je sais qu'il y a des petits garçons de 5 ans qui vont. Qui est peut-être dans la voiture, en arrière, 4-5 ans, qui vont répéter pénis. Mais pénis, ça pour pénis, dire, pénis, écoute. En boucle et en boucle. On va changer de sujet. Disons pour dire que. Fermez la radio. Non, faites pas ça. Bon, bonne fête demain. Fais attention à toi. Reviens-nous vitement la semaine prochaine. En forme. En forme. Puis. Repose ta gorge. On t'envoie des belles pensées positives. Exactement. Bon, ce matin, notre sujet principal va être la masculinité en 2018. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la masculinité? Mais qu'est-ce que la masculinité? Mais qu'est-ce que la masculinité? Comme on disait un peu avant l'émission, c'est du poil. Non. On ça va peut pas faire partie, mais... On va en discuter un peu plus tard. Et je sais plus, moi, avec le tout. Tu sais plus. Toute la question, j'en parlais dans mes cours là, précédemment, masculinité, féminité, mais il semblerait que c'est des mots... à proscrire, parce qu'on est maintenant dans un genre flou. Un genre flou. Un genre flou, parce qu'on ne parle pas de féminité, masculinité, on parle plutôt de, pour certaines personnes, trans, bon, tu sais, c'est devenu même un sujet politique, tu sais. On va avoir l'occasion d'en parler dans on n'aura pas de cases en disant monsieur, madame, tu sais, c'est... On en reparle tout de suite, maintenant? Non, mais tu veux faire quoi, là? Avoir une pause ou t'en aller à... Non. Ouais, ben là. Ben non, mais c'est parce qu'on va parler de masculinité. OK, ben vas-y. À 10h30, quand on va accueillir notre double maîtrisé, Pascal Adberlet. Ah, OK, c'est... Ben, OK. Oui, cool. Absolument. Mais avant ça, j'écoutais nos collègues tantôt à la radio. Oui. Ils parlaient de choses très intéressantes, notamment de consentement et j'aimais la façon qui amène la nuance qu'il apportait. En passant une petite parenthèse, tu donnes une conférence là-dessus, là, toi. Oui, mais c'est quand même une grosse parenthèse. Oui, mais c'est important que, non, il faut passer, il faut quand même Je vais en parler tout de suite après. OK, bon, ça va. Mais je trouvais intéressant, ben oui, parce que sinon je vois complètement, hein, ben oui, ben moi aussi, il y a des médications qui vont au travers. Maudit TDA, man. Donc, bien, mais c'est ça, je l'apprends pas. Fait que ça donne ce que ça donne à la radio. Ah, c'est pour ça. On va tuer, on va tuer. C'est pour ça, c'est dur à suivre. Il est pas mêlé, il sait où il s'en va, il s'était planifié. Moi, je pense que c'était clair. Planifié, oui, oui. C'est Pierre qui me déstabilise un peu. Mais c'est pas grave, je suis habitué, Pierre. Donc, tu disais. Ce que je disais, c'est que je trouvais intéressant la nuance qui amenait au niveau de. Dans le fond, que les gens font un peu ce qu'ils veulent. Même au niveau du consentement. C'est une question de choix. Et ça, j'ai trouvé ça fort rafraîchissant dans le discours actuel où on est très, très moralisateur à la rigueur. Et quand on parle de choix, ben si, exemple, la conjointe veut avoir des relations sexuelles avec son partenaire, alors que ça ne tente pas vraiment, mais juste pour y faire plaisir, ben c'est son choix. La question à poser, c'est à quel point c'est son choix, par contre. Ouais. Et c'est là où le débat peut s'entamer au niveau du consentement. Est-ce qu'il est absolument et totalement éclairé? Et est-ce qu'elle le fait pour avoir la paix? Ou elle le fait librement? Pour acheter la paix, c'est ça. Exactement. Ouais, pour acheter la paix, c'est ça, c'est difficile. Acheter la paix. Mais je trouve que d'entamer le débat sous cet angle-là est intéressant et il est nécessaire. Et oui, puis ça devient moins émotif, c'est moins préjudiciable, en fin de compte, à ce que des gens se fassent comme... aient l'impression de se faire attaquer dans la notion de consentement, parce que c'est un sujet qui est chaud, hein? C'est un sujet qui est chaud. Depuis l'affaire Weinstein, là, c'est quand même assez chaud. Est-ce que ça l'est plus ailleurs? Bien, au Québec, on a notre couleur, parce que, bon... Ailleurs aussi, ça brasse. Mm-hmm. Hein? Mais oui. Et le droit d'importuner aussi. Ah, mon Dieu, la belle Catherine Deneuve. Mm-hmm. Hein? Mais je pense qu'elle parlait plutôt au niveau de la drague. Hein? Oui, exactement. Mais c'est juste au niveau de la drague. Justement, j'aimerais ça qu'on en reparle un peu plus tard, justement, quand on va parler de masculinité. Oui. Mais est-ce qu'on a encore le droit de draguer? Est-ce qu'on a encore le droit de cruiser? Est-ce qu'on a le droit encore d'être galant, de faire des compliments en 2018? Je pense que ça est une question de nuance, puis le consentement, c'est ça, là, ça va jouer jusque-là. Exactement. Donc, fort intéressant à venir. Donc, touchez pas à ce piton-là, restez avec nous. Dans une mesure un peu plus courte, on va rester avec notre cher Pierre pour sa fabuleuse chronique historique. J'ai toujours pas ma cote. Ah ben. L'as-tu mis mon entrée? Ben non. J'ai pas eu le temps. Bon. Un autre gros mot? Pierre, on va faire de l'argent sur ton dos avec un pot à scène. Je pense qu'on va juste le faire à 5 cents. Un pot à scène. Juste à 5 cents. Non, il n'y a plus de scène noire. C'est fini. Non, bon, on va faire à 5 cents. 5 cents, c'est bien bon, ça. Un pot à 25 cents, ça serait plus cool, hein? Ça serait pas pire, pantoute. Bon, sur ce. On se glisse lentement dans l'univers de Pierre. Mmh. Hey boy, hein, c'est... Ben, on essaye, en tout cas. L'univers de Pierre. Va-tu falloir le chanter? Vas-y donc. Non, c'est bon. Heureusement, Mélanie n'était pas armée d'un cellulaire, sinon vous auriez un beau Facebook Live avec moi qui danse et hoche de la tête sur le thème de Pierre. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes, mon... Ah, oh, moment. Ben, là. Moment. Qu'est-ce que je me... Ben, je vais continuer la suite. OK, l'art du Tao dans la Chine ancienne. Avec, donc, la Chine ancienne. La Chine ancienne. Pas la Chienne ancienne. Pas la Chienne ancienne. Non, parce qu'elle est quand même récente. Quoi? La Chienne. Oh, la fabuleuse Lily. Sais-tu ça que quand on était plus jeune, je ne sais pas, un sarrau, on appelait ça une chienne? Oui. Oui, moi j'appelle ça encore. Oui, c'est ça. Une chienne, OK. Je t'allais mettre ma chienne, par contre, ça faisait bizarre. Avoir la chienne, c'est avoir peur, hein, c'est ça? Avoir la chienne, oui. Ah, mais si je suis encore up to date. Mais la Chienne. Pardon? Mais la Chienne. La Chienne, OK. Savez-vous que le Taoïsme, c'est l'un des trois piliers de la pensée chinoise avec le confucianisme, hein, et le bouddhisme, OK? Et se fonde sur l'existence d'un principe à l'origine de toute chose appelé le Tao. Le thème taoïste recouvre des textes, des auteurs, des croyances, des pratiques et même des phénomènes historiques qui ont pu se départir sur 2500 ans d'histoire. Hein? C'est cool, hein? Ben oui. La catégorie Tao est née sous la dynastie Han, si vous voulez dire moins 26, moins 20, bien qu'après la rédaction des premiers textes, ou furent classés sur le fond de bibliothèques princières et impériales de la Chine ancienne. Pas pire, hein? Je suis sans voix. OK. Ça fait un bail. Ouais. C'est... OK. Les origines du Tao... Mais t'étais pas né dans ce temps-là, Pierre? Non, j'espère pas né là-dedans. Les origines du tantrisme. Savez-vous que le tantrisme, c'est le nom d'origine occidentale, a été inventé au 19e siècle et dérivé du thème tantra? À partir du 6e siècle, on rencontre des cultes tantriques dans certaines écoles bouddhiques qui sont situées principalement en Chine, en Corée, au Japon, au Vietnam, au Tibet, en Mongolie et au Japon. Correct. J'ai marqué deux fois le mot Japon, c'est pour ça que c'est un petit peu mêlant. À Longueuil, est-ce qu'il y en avait? Non. Non. Bien, peut-être ceux qui ont la coupe Longueuil pratique le tantrisme. Oui, c'est ça. L'image m'écœure, mais bon. OK. Avec le yoga. Non, mais il y a une forme de yoga nu, hein, qu'on pratique. Chez certains, dans la communauté LGBT, j'ai vu ça. Il y a même des vidéos de yoga nu. Tout se pratique nu, non? Oui. OK. Fait que donc, là, je vais essayer de bien articuler, parce que ma blonde me dit tout le temps, articule bien. Le temple de Kandariya Maivaya à Kajunarao aux Indes. Là, je ne vais pas répéter deux fois. Oui, je ne voudrais pas. OK. Savez-vous que le temple de Kandariya Madhyava Deva est le plus grand et le plus décoré de statues à connotation érotique parmi l'ensemble des temples de l'État du Madhya Pradesh aux Indes? Est-ce que tu peux nous envoyer un lien avec le nom, qu'on puisse aller chercher des photos? Ce serait beau. Oui, parce qu'en fin de compte, dans un de mes cours, j'avais illustré ça. C'est un temple où il y a plein de connotations, il y a plein de statues à connotation sexuelle. Pénétration, admettons, par derrière, par en avant, même pénétration, même zoophilique avec des ânes et des chevaux. Et c'est quand même assez spécial. Hey, hein, la religion a déjà été très, très ouverte. Imagine, hein? Il est considéré comme l'un des meilleurs exemples des temples de l'époque médiévale aux Indes. C'est aujourd'hui l'une des destinations touristiques en Inde les plus célèbres. Daté officiellement de 1029, il aurait dû être construit par un certain roi du nom de Vidyadhara vers 1050, selon certaines légendes, bien que d'autres récits folkloriques locaux le fassent remonter à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Allô? Oui. Où est-ce que tu as regardé ça? Oui, j'essaie de trouver le lien. Le fameux temple, mais c'est parce que je ne voudrais pas être obligée. Ben, ça fait beaucoup de lettres, hein, dans ce nom-là. Oui, mais je ne pas faire d'erreur. Ouais, peut-être que je vous montrerai ça, évidemment. Certainement, oui. J'ai ton courrier, de toute façon. Mais oui, je pourrais mettre des images, peut-être. Oui. Disponible. Savez-vous que le Kanamara Matsuri, célébration du pénis de fer, est l'une des fêtes annuelles d'appellation Shinto de la fertilité qui a lieu à Kawasaki, au Japon, et cela à chaque printemps depuis 1977. Ça, Kawasaki, c'est une ville, c'est pas seulement le nom d'un... Une moto. D'une moto, mais c'est une ville au Japon. Hein? OK. On fait la fête. Je pense que j'ai mis un lien sur la fête du pénis dans notre... OK, c'est ça. Et cette commémoration se conclut par une procession qui attire des milliers de touristes de par le monde. Une légende raconte qu'un démon aux dents tranchantes s'était caché dans le vagin d'une jeune fille et qu'il avait castré successivement deux jeunes hommes pendant leur nuit de noces. Vous n'avez pas compris, hein, vous autres, hein? Vous êtes... C'est pas vrai. Non? C'est pas vrai. Non, t'as compris. Oui. Hein? OK. Oui, je suis multifonctionnelle. Non, mais quand même, moi, je trouve que c'est... C'est pas facile, hein? Bon. Un forgeron façonna donc un phallus de fer pour casser les dents du démon, et l'objet devint par la suite, hein, de même une sainte relique. Aujourd'hui, sa cérémonie eut l'occasion de collecter des fonds pour la lutte contre le sida. On a tourné ça en quelque chose de positif. Positif. C'est bien. Mais une affaire, je me disais, Colin, on ne pourra pas faire ça ici au Québec, hein, la fête du pénis, hein? Ben, est-ce que j'ose répondre ce que j'ai déjà répondu à ce sujet? Il n'y a pas un festival de quelque chose cette année à Montréal? Ben oui, ah, c'est le festival des de la vulve. Oui, la vulve, il me semble. C'est dans le quartier... Oula, tu m'en demandes beaucoup, là, je ne m'en souviens plus exactement, mais j'ai vu pas... C'est ça sur Facebook. Donc, ouais, si ça se fait pour un festival, pour ça doit être possible pour l'autre. Moi, j'ai déjà essayé d'organiser le festival du clitoris, mais on ne l'a jamais trouvé. Fait que... Oh, mon Dieu. Hein? OK. Fait que l'attente sexuelle du nom de Lily Held. Savez-vous que celle qui se prenait Lily Held, qui est née en 1882, qui est morte en 1931, a été la première personne intersexuée, hermaphrodite, connue? Lily Held fut d'abord connue sous le nom de Hernière Magnus Andreas Wegener. Après une opération réussie... Hein? Après une opération réussie en 1930, elle se fit officialiser son changement de nom en Lily Elverness. Malheureusement, Lily décède en 1931, trois mois après sa grève d'utérus, sans doute à cause d'un rejet de grève. Son autobiographie « Man into Woman » publiée en 1933 à titre posthume. Son histoire a été portée au grand écran dans le film de Dan Gilroy. En 2012. Danish Girl, en français, c'est la fille danoise. Ah, OK. Ça se peut-tu? Okay. Tu sais, c'était quand même assez triste, cette histoire. Oui. Mais c'est un très bon film. C'est vraiment son histoire. Ah, je ne connaissais pas, moi. Non, tu n'as pas vu ça? Non. Eh bien, c'est un. Je partais pour dire, ça prend des couilles hein, pour faire ça. Oser, en 1930, là. Oui, effectivement. Mais la première, je pense, transsexuelle, j'en avais parlé, c'est l'émission qui était réussie, c'était, comment elle s'appelait, donc, bon, en 1950. 1950? Oui, dans les années 50. Alors, je perds le nom, mais ça va revenir. Je ne sais pas, hein, s'il y avait l'utilisation d'hormones aussi, l'hormonothérapie, à cette époque-là. Oui. OK, l'origine du Red Light à Montréal, savez-vous que le quartier qu'on communément on appelle le Red Light, à Montréal, était une zone géographique où la proximité du centre-ville. Celle-ci favorisait un attrait touristique majeur avec la densité élevée de commerces de boissons alcoolisées, tavernes, bars, clubs de rencontres, cabarets, etc., ainsi que le commerce illicite aussi en même temps était très actif dans le milieu du 19e siècle. En 1925, le début des années 60, le quartier du Red Light rappelle les anciennes lanternes de couleur rouge aux portes des maisons closes. Dès qu'il y avait une lumière rouge, ça s'appelle comme le ça. Red Light. Ouais. Dès qu'il y avait une lumière rouge, donc c'est « Ah, c'est une prostituée. On va aller faire un tour, là. » Oui, c'est ça. Le commerce du jeu, des débits de boissons illégaux et les parties ont marqué l'histoire de ce lieu, aussi lié à la prohibition aux États-Unis et au caractère portuaire de la ville. Tu sais, fait que des marins qui descendaient au port de Montréal, puis bon... Ça allait à la rue Saint-Laurent. Puis, en tout cas, on avait dit que le Red Light était situé à la rue Saint-Laurent, mais on pouvait aussi le situer ça aussi au bord de la rue Notre-Dame, puis dans le Vieux-Montréal aussi. OK. Puis ça a été, on a appelé ça longtemps le Red Light. Mais quand il y a eu la fin de la prohibition des années en 1932 aux États-Unis, mais là, c'est sûr qu'il y a des appellations qui ont comme. Parce que quand on parle Red Light, c'est pas seulement. La prostitution, c'est aussi des bars clandestins. Oui. Tu sais, fait que donc, on mettait tout ça en même temps, tu sais. Le péché, tout ensemble. Oui. La loi Omnibus. Ah. Savez-vous que la loi de 1768-79 modifiant les droits pénales, qui est une loi canadienne qui a été adoptée le 14 mai 1969 par la Chambre des communes du Canada lors de la 28e législature. Ça a été évidemment Pierre-Éliott Trudeau, hein? C'était le père de Justin Trudeau qui a présenté ça en 1967. Alors, ministre de la Justice du Canada, il s'agissait d'un projet de loi de type omnibus, c'est-à-dire un projet de loi portant à la fois sur plusieurs sujets comme la décriminalisation des actes homosexuels entre adultes consentants, l'avortement, les loteries, les armes à feu et la conduite avec faculté affaiblie. Hein? Ouais. Répète-moi ça, s'il te plaît, là. Oui. La conduite de faculté affaiblie. OK? Fait que donc, tout ce qu'on pouvait mettre là-dedans, dans ce genre de loi-là, bien évidemment, c'était... Bien, quelqu'un qui... On a commencé à mettre, évidemment, une loi sur les conduites dans les facultés affaiblies avec cette loi-là, la loi de Nébus. OK? Mm-hmm. On appelait ça la loi, bon, 1639. Et, bon, la loi sur l'homosexualité. Je me souviens plus quand j'étais plus jeune. Mais là, ça signifie que, d'un côté, pour ce qui est de l'homosexualité, là, il acceptait, il ouvrait les portes, c'était OK. Il faisait des descentes dans les bars gays, lesbiennes, mais plus gays, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bars lesbiennes à l'époque. Il y avait les ponts de Paris, je crois, dans le coin de Saint-Hubert et Sainte-Catherine, mais il y avait plus de bars gays. Donc, la police faisait des descentes. Mais à cause de la loi Omnibus, bien, les policiers ne faisaient plus de descentes parce qu'on disait, bien, écoutez, en tant adulte consentant, là, on n'est pas pour faire la... Puis Trudeau disait ça à l'époque, on n'est pas pour faire la police dans un lit où que ouais, on a deux personnes qu'on s'entende, t'sais. Dans le fond, c'est ça. D'un côté, c'était plus libérateur, puis de l'autre côté, pour ce qui est justement de l'alcool au volant, bien là, on restreint. Hmm. OK, c'est une loi qui... Mais la loi Omnibus, elle était plus, disons, ça a passé ça, hein, je veux dire, comme au début, il y avait les conservateurs, il y avait un autre parti qui a disparu, à la Chambre des communes qu'on appelait les créditistes. OK? C'est un parti même qui était en vogue jusqu'aux années 70 au fédéral, puis au Québec aussi, avec Camille Samson. Alors donc, c'était comme quelque chose de très... l'homosexualité, c'est plus ça qu'on a retenu. Parce que, vois-tu, bon, il y avait l'avortement, mais encore là, même à ça, l'avortement... jusqu'à tout maintenant, je veux dire, il y avait des gens qui voulaient revenir là-dessus, tu sais. Oui, oui, oui. Les conservateurs, puis demandé à Harper, avait dit, mais on va laisser faire ça, là. On n'est pas pour ouvrir le débat là-dessus. À chaque fois. Comme, évidemment, il est arrivé au Canada puis au Québec. Le Québec, c'était, je crois, la première province à légiférer sur le mariage gay. En 2004 ou 2002, je ne suis pas sûr, là. Puis ensuite, le fédéral a suivi avec ça. Fait que donc, on était assez, au Québec, on était assez, pas libertin, je pense ça que je veux dire, mais assez progressif sur le plan de la sexualité. Mm-hmm. Fait que donc, quand on parle de Bill Omnibus, on parle pas seulement de décriminaliser l'homosexualité, il y avait d'autres choses, mais on a plus retenu ça. Parce que les débats ont plus tourné alentour de cet aspect-là. Intéressant. Ça se passe pas au Québec, mais il y a un film qui raconte un peu cette époque-là où l'homosexualité était encore illégale aux États-Unis. Harvey Milk. Oh oui, j'en ai parlé avec Sean Penn. Avec Sean Penn, qui a eu une très belle interprétation. Oui, vraiment. Puis prendre un gars comme Sean Penn, qui est reconnu pour être un gars impulsif, batailleur, bagarreur, De jouer le rôle d'Harvey Milk, c'était assez fort, je veux dire. Tu sais, mm-hmm. Je veux dire, écoute, c'était bien, c'était très, très oui. Bien. Tu sais. Puis on rentre dans la peau du personnage aussi de cet homme-là, tu sais. Fait que c'est à voir. Ça va? Fait que donc, c'est ça, l'album des bus. Même je me souviens, étant un petit gars, on avait parlé longtemps de ça, tu sais. Puis on disait que, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens de décriminaliser l'homosexualité. Puis... il y avait des curés qui étaient contre ça au Québec, puis oh mon Dieu, c'est... Il aimait mieux être dans l'illégalité. Mais écoute, ça va faire pas loin de 50 ans l'année prochaine, fait que... Mais on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès depuis ce temps-là, tu sais. Oui. OK, la signification du gang et du gang? Ben, je sais pas, hein, ça fait une forme de 69 à limite. Ben oui, on sait deux poissons. Ben oui, oui, oui. Qui font un 69. Ah, OK, oui. Oh, arrête, non, on parle pas non, mais du... le chiffre, là, c'est pas... On parle pas de ding et dong, ici. On parle du yin et du yang. Bon, on va arrêter de faire nos clowns. OK. C'est effrayant. Juste ceux qui ont 40 ans et plus qui comprennent ce que je dis là, mais c'est pas grave. La voiture, hein? Non. Non. Moi, je parle là. Vas-y, Pierre, on t'écoute. Okay. Le yin et le yang. Laisse-toi un neurone, yin, yang. Un qui m'empêche de tomber épanoui. Okay. C'est connu dans le monde occidental depuis la fin du 10e siècle. OK. Le principe le principe du yin représenté en noir évoque en gros le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la lucidité. Quand à lui, le principe du yang représente en blanc symbolise entre autres le vêtement masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, les neiges, etc. Seigneur, il y a de quoi être frustré, là. Oui, parce que ça... Là, la féministe en moi va remonter, là. Ouais, ben fait... même moi, j'avoue que... Est-ce que ça fait sexiste? Oui, hein? Très. C'est le même. Quand il est écœurant. Non. Bon. C'est okay. Qui a inventé ça, là? Oui, c'est qui, ça? Elle sait pas. Elle sait pas? Non. Ouais, je vais me taire. Un moine à quelque part. Pour avoir l'air raciste, là. On en prend ou on en laisse, hein, je veux dire... L'origine du mot « bordel ». Oui. Savez-vous que dans l'ancien français, l'explication du mot « bordel » peut signifier « au bord de l'eau ». Ah! Mais c'est bien, voyons donc, c'est bordel. Pour qui, donc, déjà? Ce mot serait apparu au Moyen-Âge et s'agirait, OK, il s'agirait d'un dérivé de « bord », mot qui désigne une petite maison ou une simple cabane. À l'époque, dans le port, des prostituées n'avaient pas de droit d'exercer dans l'enceinte de la ville. Dans l'enceinte, dans le centre-ville. Les marins devaient donc se rendre sur les bords d'un quartier qui se situait à l'écart. Oh! Pauvres marins, on est sur leur dos ce matin. On est sur leur dos ce matin. L'origine du mot macro et maquerel. C'est pas une tartinade genre cheese whiz. Non. Savez-vous que les origines de mon très Moyen-Âge, le mot macro serait attribué aux hommes et maquerel pour les femmes. Dans l'ancien français, le mot mac. Mon mac ne serait qu'une abréviation avec la même origine que le mot maquillon ou maquignon, dont le métier était comme celui d'un marchand de bétail, et les mots macro et maquerel en seraient la déclinaison logique. Ce qui signifie, parce que là, être un macro, c'est quoi exactement? Bien, macro, ça, je dis, c'est dans l'ancien français, le mot mac ne serait qu'une abréviation avec la même origine que le mot maquillon ou maquignon, dont le métier était comme celui d'un marchand de bétail. Oui, mais quand on traite... Mot macro et maquerel en serait la déclinaison logique. Tu sais, je veux dire, écoute, un macro, c'est celui qui... genre de proxénète, probablement. Oui, c'est ça. Celui qui... Mais en même temps, on dit un macro... On a souvent mélangé, en tout cas au Québec, j'ai entendu ça. J'ai mon nom cochon, moi, j'avais dans la tête. Un macro, c'est un cochon. Oui, c'est ça, effectivement. Une maquerelle, une madame, une madame qui tient un bordel. Et un macro, c'est celui qui, c'est un cochon de personnel, mais quand on dit, c'est un vieux macro, c'est un gars qui a un coureur de jupons. Oui, OK. C'est ça l'image, c'est ça le souvenir que j'en avais, puis je comprenais pas le lien avec le vendeur de bétail, mais quand vous me dites les proxénètes, ah, là, je vois le lien. Ouais. C'est malheureux pour le bétail en question, mais bon. Puis écoute ça, ça, c'est une autre chose que j'ajoute. Le verbe « makar », M-A-K-U-A-R, d'origine hébraïque, j'étais juif, signifierait « vendre et trafiquer ». Dans certains dialectes orientaux, ce verbe voudrait aussi dire « marier ». Ah, oh, wow! Quoi? Ça a passé proche de dire « ah, oh, wesh, mais non! » Oh, le mariage! Des fois, on emploie des termes, une logique au niveau des mots qu'on ne connaît pas d'origine, mais qui remontent quand même à quelque chose de très étonnant au niveau de la culture. Oui. La culture des sexes. Oui, ça remonte à la culture des sexes. Il y a un temps où le mariage, c'était de la vente de bétail à la rigueur. Oui, c'est ce matin qu'il parlait, justement, ce matin, il parlait de la dot dans les pays d'Afrique. Exactement. C'est comme, oh mon Dieu, c'est donc bien compliqué. Ben, je veux dire, où est l'amour, là, à un moment donné? Il faut que tu sois certain de ton coup. Ben, écoute, moi, quand je regarde la télésérie « Les pays d'en haut », moi, je pense à mon grand-père qui est né en 1881, puis je me dis, mon grand-père, il avait 5 ans quand que l'histoire se passait. Et mon grand-père, on parlait d'une dot, Absolument. Puis j'en avais parlé dans mon émission, puis la dot, c'était le beau-père qui donnait de l'argent. Puis inversement, il y avait des échanges avec la mariée. Oui. Plus qu'elle était intelligente et belle et bon, c'était un bon parti. C'est ça. Mais plus la dot était quand même assez élevée. Oui, mais c'est le roi de France aussi qui envoyait une dot à ses filles du roi, quand ils sont arrivés ici. Louis XIV. C'est pas la même chose. Mélanie, le lien que tu fais, c'est quand même pas si pire. Parce que les filles du roi, c'était des orphelines, C'était pour les mariés, il fallait que les gars aient le goût. Il n'y avait pas besoin de ça, peut-être. Le roi a remplacé le parent, si on veut. Oui. Quand Jean Talon a fait la première recensement de Nouvelle-France, il a remarqué qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Ben oui. Et donc, à ce moment-là, il disait, bien, faut quand même que la colonie se devienne un peu plus prospère. Fait que donc, le roi a envoyé, évidemment, bon, c'est ça, comme tu dis, une dot avec les filles du roi. Puis il donnait charge en mettant un certain montant d'argent pour ces filles-là. Fait que donc, dès que les filles arrivaient à Québec, évidemment, ils arrivaient à Québec tout le temps, je veux dire, parce que c'était le premier port, fait que donc, les plus belles étaient choisies par les gens de la place, là. Mais aussi, en même temps, ces femmes-là avaient aussi le droit de choisir. Hein? Oui. Ensuite, bon, le deuxième lot de femmes arrivait à Trois-Rivières, donc ce qui veut dire les moins belles. Les moins belles arrivaient à Trois-Rivières. Et le dernier lot arrivait à Montréal, donc ce qui veut dire... Ça explique tout. Les plus laides à Montréal. Mais il y avait une question de santé aussi, si je ne me trompe pas. Non. Ils faisaient sortir les... Oui, mais écoute, c'est sûr, les gars qui arrivaient à Québec, là, le bateau qui arrivait à Québec, les filles du roi, là, ça a été longtemps comme ça, pendant 20 ans probablement, c'est sûr que les gars choisissaient les plus belles, tu sais. Selon leurs critères. Les critères de l'époque, tu sais, bon. Voilà. Mais les femmes qui ne prenaient pas preneur étaient toutes logées à la maison Saint-Gabriel, qui était aussi une... Saint-Gabriel, c'est dans le coin de... Où ça, c'est Saint-Henri-Gabriel, je pense, c'est ça. Maison Saint-Gabriel. Et c'était Marguerite Bourgeois qui les accueillait. Bien, elle faisait des travaux divers, mais souvent, elle retournait en France. Et même là, les gars savaient qu'à la maison Saint-Gabriel, il y avait des filles qui pouvaient être choisies pour être mariées. Il y avait des gars qui allaient là, ils allaient voir, puis bon... Mais c'est ça, je me demandais voir si la dot de ce qu'on parlait tout à l'heure, si c'est une coutume qui est arrivée au Québec après que, ou bien c'était déjà non, avant? Non, c'était déjà là avant. OK. Mais je me souviens pas si c'était quelque chose qui était écrit dans les textes juridiques, je pense pas, mais c'était plus un arrangement tactique entre les gens, là. Mais j'ai pas fouillé plus que ça, là. Et tout mais ça. Je pense à mon grand-père qui a... Il a reçu une belle dot avec ma grand-mère, tu sais. Et bon, tu sais, puis... On est assez endettés, nous autres, on oublie non, ça, mais... les dots. Non, mais... On a des dettes, pas des dots. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Autres, on donne les dots avec, les dettes avec. Mais son père, mon arrière-grand-père, a dit à mon grand-père, écoute donc, elle est pas en santé. Puis une femme en santé, il fallait qu'elle soit grasse. Ouais. Tu sais, il me semble, il dit, ta femme est pas grasse, elle est pas... Es-tu en santé, elle va-tu te faire des petits, tu sais? Ça, c'est sa préoccupation. Elle a fait 15, non, 11 000 ans. Ah, ben, écoute, non. C'est une bonne production. Non, c'est ça. Que c'est tout? Y a-t-il autre chose? Ben non, on va quitter pour une courte pause. Revenez-nous tout de suite après. Du sexe plein les oreilles. Revenez-nous à C'est fou le sexe. Sur les ondes de C'est fou, 89.1. Vous êtes assez fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Salut Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face, là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou 89.1. Ici Bertrand Godin. Quel est votre taux d'alcoolémie après avoir pris un verre? L'Alco-Tube Plus, un alcootest certifié, vous indique si vous dépassez la limite légale. Soufflez pour une bonne cause, votre vie et celle des autres. Disponible à la SAQ et le beau vitre d'auto. Vous êtes assez tapé pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Thank you. celle qui te ride en ville et remplit le vide comme une céréale qui ne veut pas ramollir, sur lesquelles tu te casses les dents, aucune peur de vieillir. Au bout d'une ruelle, tu vois ce plein des ombres, une menace menstruelle qui s'est fait limer les ongles, chuchotant l'oreille de ta petite amie qui te laisse pour mon cou pour toute la vie. Ça t'élève ensemble, t'es super pour danser le vide. Ça t'élève ensemble, t'es super pour danser le vide. Seconde à pas fini. Cheer, grinding, tapis, surfing, cirque du soleil. Stage, drinking, salon, diving, sort les bouteilles. Craft, making, faux, bling, crotch, shots, camel, talking, top, scotch, vache, karaté, danse de lutteur. Cheer, grinding, tapis, surfing, cirque du soleil. Stage, drinking, salon, diving, sort les bouteilles. Craft, making, faux, bling, crotch, shots, camel, talking, top, scotch, vache, karaté, danse. De retour à C'est fou le sexe, on a écouté la pièce Jalousie de Donzel. Non, Donzel. Okay. Juste en passant, tout à l'heure, quand j'ai parlé de macro, il m'a eu une certaine, pas idée, mais j'avais déjà vu comme quoi que macro, c'est un poisson. Quand on parle de macro, maquerelle, fait que donc, on parlait aussi souvent des gens qui descendaient d'un bateau qui avait pris la mer, où c'était pas seulement des marins, mais c'était aussi des gens qui venaient pour les prostituer, tu sais. Et voilà. Ben, et ouais, voilà. Oui, un macro. Une maquerelle, ben ça, c'est autre chose. Non, on apprend-tu des affaires de ce bâtard de show-là? C'est fou. Ouais, hein. Non, mais on n'a pas juste du plaisir. On apprend. Mm-hmm. Et c'est quelque mais chose. Mais Mélanie, je vais t'envoyer la photo du temple, là. Oui. Parce que dans un des cours, j'ai parlé de ça. J'ai même, en sexualité du 21e siècle, j'abordais cette question-là avec la religion, là. Et, je vais t'envoyer ça, mettre ça sur le site. Parfait. Ça marche. Et voilà. Tantôt, tu m'as parlé, oui, de la fameuse conférence, et je suis pas revenu, mais il y a ce temps. J'y reviens. Donc, oui. C'est le 12 février, deux jours avant Saint-Valentin. C'est le 12 février, okay. De 16h30 à 18h. Vous êtes tous invités, bien entendu. C'est à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin. Et, dans le fond, la thématique est sur le consentement. C'est la vision, c'est une conférence assez intime, sans prétention. Mm-hmm. Oui, j'amène des éléments qui sont des études empiriques et scientifiques. Je raconte pas n'importe quoi non plus. Je vais, entre autres, définir c'est quoi une agression sexuelle et c'est quoi une inconduite sexuelle. On va parler de tout ça. On va définir le consentement. Mais aussi, la vision d'un père, d'un fils, d'un mari, d'un frère. Comment qu'on vit, comment qu'on peut vivre là-dedans, dans cette terreur-là, si je peux m'exprimer ainsi, dans un monde où les notions de consentement semblent pas claires. Quand on est un père, quand on est un fils, on a peur pour ses filles. Mais en même temps, il faut élever ses garçons. Et là, le cœur de la conférence, c'est dans le fond l'importance de l'éducation à la sexualité chez les jeunes garçons et l'importance du rôle du père là-dedans aussi. Comment donner l'exemple à ces garçons, juste minimalement dans le comportement avec sa propre conjointe, avec ses propres filles, comment qu'on peut donner l'exemple, c'est quoi du consentement. L'éducation à la sexualité commence dès le plus jeune âge, ne serait-ce que par toutes les notions d'intimité, les notions de respect. Juste le respect. Si je chatouille mon enfant, il a pu savoir quoi faire et qu'il me dit arrête et arrête et arrête et que je continue. Je le respecte pas dans son désir que j'arrête. Fait que je suis en train de lui inculquer que j'ai le droit d'empiéter sur ce qu'il veut pas. Dans une certaine mesure. Oui. Donc, et puis c'est directement relié au corps, là. Tu sais, si je chatouille mon enfant, même si je veux lui donner du plaisir, même si je trouve, moi, dans ma tête d'adulte, que je suis en train d'avoir du plaisir avec mon enfant, il rit. Ben oui, mais c'est normal, il rit. C'est une réaction physiologique. Mais oui. Donc, mais je le respecte pas. Il me dit arrête, il me dit non. Donc, si plus tard, inculqué dans une petite tête d'enfant, mais qui grandit, qui vient se cristalliser, bien plus tard, le jeune garçon qui a inculqué ça, ben j'ai le droit de chatouiller, j'ai le droit de... Donc, si je pense que j'y fais du bien à ma partenaire, puis qu'elle me dit arrête, ben j'ai le droit de continuer. Mm. Elle trouve ça le fun, elle crie. Ben oui, ma tante, là. Elle t'a dit d'arrêter. Ouais, il faut toujours vérifier un peu comment qu'elle sent là-dedans. Là. Tout le temps. Parce qu'à un moment donné, il faut faire une différence entre la drague et le consentement. Tu sais, moi, je me souviens, il y a à peu près un an, quand j'en ai des cours ici en psycho, il y avait on reçoit tout le temps des Français, hein, je veux dire, qui viennent de France. Non, on a suivi des cours en sexo, et à un moment donné, il y avait une fille qui a dit « Ici, au Québec, les hommes ne nous draguent pas. » Tu sais, il y avait un choc culturel, tu sais, effectivement. Fait que là, ça demandait « qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, j'avais pas de réponse, mais je me suis demandé « ça se peut-tu qu'il y en a des gars qui veulent pas justement draguer ou séduire ou entreprendre la peur de se faire dire « hey, là, tu sais, reste dans ton coin et achète-moi pas. » Parce que s'asseyer, c'est une chose. Quand une fille... Le gars asseye, bon, et puis sans aller à l'intimidation, « Hey, t'entends-tu? » Bon, blablabla. Si la fille dit non, c'est non. Le gars, il faut qu'il change de trac. Soit qu'il part, absolument. Ou il faut qu'il change de trac. Parce qu'asseyer, c'est correct. Mais aborder mais pas dans le sens d'insister ou d'intimider. Parce qu'on sait que l'intimidation, maintenant, c'est presque... Et c'est correct aussi, ce soit comme ça, c'est parce que c'est sans dire un crime, mais comment qu'on appelle ça? On appelle ça une inconduite. Hein? Une inconduite. Exact. Justement, donc, dans la notion, dans toute cette notion-là de drague, et là, on entre dans notre sujet de masculinité, quand je veux séduire, est-ce que je suis nécessairement comme obligé de passer par l'apparence physique pour séduire une femme? Mais il y en a qui vont mettre des atouts là-dessus. Oui, mais c'est justement. Mais est-ce que c'est potentiellement pas le problème? La problématique, c'est de mettre l'accent sur le physique de celui ou de celle ou de celui que je veux séduire, parce que ça va aussi envers les hommes, on s'entend. Oui, oui. Donc, hey, t'as un beau cul ou hey, t'as des beaux yeux ou hey, t'as. Peu importe. Nommez la partie du corps que vous préférez. C'est cliché, par contre. Hein? Je pense qu'il y a d'autres façons de. C'est justement. Ben oui, mais cliché, c'est comme ça. Hein? C'est systémique, là, l'affaire. Comme je peux pas dire que je suis un blagueur de toute façon. Non, non, mais je peux pas. sans séduire, admettons d'Italie. D'Italie. Ah, Mélanie, Mélanie, c'est quoi tu. Admettons, je te disais, c'est quoi tu regardes en premier chez un homme? Bon, de sachant hétérosexuel. Ou si t'avais été bisexuel, ça avait été correct. Mais c'est quoi tu regardes en premier chez un homme? Puis, c'est quoi? C'est-tu les pas yeux? Son c'est le visage? Ses fesses, son pénis? Ou sa carrue, c'est quoi? Son pénis. Non, mais s'il y en a qui vont checker ça, tu sais, admettons, dans ses culottes, là, lui, il a l'air... Et sincèrement, moi, je peux pas dire que... Ben, un, je pense que je suis pas représentative, là, pas okay. du tout, là. Ah non, c'est correct. Parce... Hey, boy! Non, je peux pas te dire. Sincèrement, là, je regarde pas, je pense, le physique. OK. Plus le côté intello. Ah oui. Le côté... clairement. De qu'est-ce qui va sortir de ce gars-là. Les yeux. OK, les yeux, peut-être, justement, pour me okay. montrer qu'il y a une petite étincelle de quelque okay. chose. Mais c'est oui. ce qu'il va dire. Mais, tu sais, il peut avoir des caractéristiques physiques qui nous attirent et qui nous intéressent chez un homme ou chez une femme. Sans que nécessairement on les mette au premier plan lorsque vient le moment de la séduction. Oui. Je pense qu'on peut être intéressant de par son discours, on peut être intéressant dans la façon d'aborder la personne, on peut être original, on peut être drôle, peu importe votre personnalité, ouais. sans être justement dans une inconduite où on va aller, dans le fond, cibler le physique ou relever le fait qu'une femme va être sexy ou peu importe. C'est sûr que comme premier contact, c'est difficile peut-être de faire un premier contact avec quelqu'un si, bon, je la trouve ou je le trouve jolie et j'aimerais l'aborder. Pourquoi pas juste bonjour? Effectivement. Est-ce que ça va bien? Oui, oui. Tu sais, c'est plate de même. C'est... Moi, je suis plate. Si je me promène... excusez, j'ai gros mot moi aussi. Pas ta sainte. Je suis plate, peut-être dans la vie, c'est peut-être pour ça que je m'habille comme un comptable. Pardon à tous les comptables. Un comptable. Non, mais je suis tout le temps bien un peu, je suis cravate veston, et ainsi de suite. Mais il me semble que toutes mes conversations commencent par « Bonjour, est-ce que ça va bien? » Et je m'intéresse vraiment à la personne dans « Est-ce que ça va bien? Oui, » Ne serait-ce pas là le début de toute drague? Ça devrait, je crois. Ou elle va dire, hey, moi, je t'ai checké au bout du bord, t'es pas mon sexe, hein? Excusez! Parce que ça s'entend. Mais est-ce que. Parce que je l'ai ouais, vu. Ouais. Et je sais pas. Il me semble qu'il y a d'autres éléments à discuter puis à séduire. Mais peut-être que les hommes ont pas confiance. Est-ce que ça pourrait être ça, Pierre? Ils n'ont pas confiance en ce qu'ils sont, donc ils vont... C'est une faute de facteur qui fait qu'à un moment donné, tu vois, une question d'interprétation, hein? Quand j'ai posé la question à Mélanie, ben là, elle était comme... Elle ne savait pas. Désemparée. Mais il y a des gars qui vont peut-être pas connaître la personne, un peu comme Mélanie, puis ouais, qui vont jouer sur l'aspect physique et qui vont penser que c'est un attrait. Il y a d'autres choses que ça. Mais, tu sais, José, puis même pour moi, je reprends ce que Mélanie dit, je me dis, si une femme... n'a pas un discours intelligible ou qui m'attire, ce sera pas... C'est turn-off. Mais non, c'est fini, là. C'est pas seulement le côté physique. C'est sûr que... Pour nos auditeurs, là, écrivez-nous vos pires histoires de drague. On veut savoir ça. Mélanie est en face de son ordinateur, elle vous attend. Écrivez-nous vos pires histoires de drague ou comment vous faites, vous, pour draguer la personne ou comment vous faites pour séduire une personne que vous voyez dans un bar ou à l'épicerie, je sais pas. Puis en tant qu'homme, En tant qu'homme, oui. Mais oui, aussi mais... en tant que femme. Ben, je qu'est-ce je qui faisais vous lien avec le... Qu'est-ce qui vous fait... OK. Qu'est-ce qui vous plaît? Ou qu'est-ce qui vraiment vous déplaît dans le comportement masculin au niveau de la séduction, entre autres? Donc, on attend vos commentaires. C'est sûr, moi, j'allais pas dire, admettons. Puis Mélanie n'est pas la seule, hein. Il y a bien des hommes aussi qui savent pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle regarde en premier, c'est quoi? Ben, c'est sûr que je fais la... C'est quelqu'un qui arrivait à Mélanie, voit. Hey, toi, tu te vois pas prendre un petit café, tu t'entends-tu? C'est sûr que c'est pas vraiment érotisant hein, comme, comme contexte. Et il y a toute une sémantique, un vocabulaire, une culture à la drague qu'au Québec, on n'a pas. On n'a pas ça, non. On n'a pas ça au Québec. Bon, en France, ils l'ont. Dans les pays européens, ils l'ont. Même en Angleterre, ils ont certains discours à la drague, là. Mais non, au Québec, on n'a pas ça. C'est assez malheureux. On se parle de se faire dire que les gars ne seront pas corrects. Il faut dire qu'on se fait taper sur la tête souvent, nous autres, les hétérosexuels et mâles hétérosexuels. Mâles hétérosexuels blancs. oui, ou peu importe. Il paraît qu'on se sentait tout le temps fautif de tout. Là. Ah oui? Oui. Ouais. Comment? Développe pas ça. C'est pas correct que ça soit comme ça. T'sais. Puis, faut que tu nous connaisses aussi, nous autres, les femmes. Oui, mais c'est correct. Mais on a une grosse voix, les femmes. Est-ce que les... non. Mais est-ce que les femmes connaissent les hommes? Je sais pas. Est-ce que les... Oui. Moi, je pose la question à l'envers. Y a-t-il des femmes qui veulent connaître les hommes ou qui savent ce que les hommes veulent? Au lieu de dire, mais moi, c'est comme ça que j'aimerais être approché, mais moi, je pourrais le dire en tant que gars. Hey, OK, je comprends ça. Je vais faire un bout là-dessus, mais moi, j'ai le goût mm-hmm. aussi de... C'est vrai que ça aussi, c'est revenu. Les femmes avant, n'abordaient pas les gars. Non. Maintenant, ouais. C'est une autre chose. Mais comment un gars aime se faire aborder? Mais comment devrait-il se faire aborder? Aussi? On reste quand même avec les notions de consentement, les notions d'inconduite sexuelle. Disons qu'on flirte encore avec ça. Me faire pogner une fesse par une inconnue qui aurait très, très envie de m'avoir dans son lit, ça ne m'intéresse pas. Aussi séduisante soit-elle. Oui, sérieusement. Oui, OK. Mais pourquoi, si je réfléchis comme ça veut dire que n'importe quelle femme voudrait se faire pogner une fesse? Pourquoi les femmes n'aiment pas ça alors que les hommes faudraient qu'ils aiment ça? Ça ne marche pas. Il ne peut pas avoir un double discours, un double standard, finalement. Hey, je le sais pas. Tu me fais réfléchir, ben, là. Okay. Seigneur, écoute, je ne fais pas juste avoir un micro dans ma main. On parle pour parler. Excuse-moi, Mélanie, tu as le temps de penser à ça. Est-ce que les hommes. T'es une femme, faut que tu prennes le temps de penser à ce qu'il veut dire. Est-ce qu'un homme va se plaindre d'une inconduite sexuelle venant d'une femme? Non. D'un pseudo-inconduite sexuelle. Mais ça, c'est une culture. C'est une femme qui arrive avec une main sur une fesse d'un gars. Ou sur l'épaule, ou, tu sais, je... Mais c'est la même. J'ai vu ça, tu sais, des femmes qui passaient des semaines à un cheveu du gars. Eux, elles connaissaient pas plus, mais oui, y a-tu d'inconduite là-dedans? Des mains aux fesses, j'en ai vécu. J'en ai vécu plus qu'une fois. Tu étais en police? Je n'ai pas été en police, mais c'est justement, ça fait partie de la culture. On trouve ça à la rigueur. Quelqu'un qui s'en plaindrait, ben là, ta gueule, si, t'es chanceux. Oui, mais c'est ça la différence. Mais non, je ne suis pas chanceux, c'est une agression. C'est la même affaire. C'est exactement la même affaire. Un homosexuel qui se fait pogner les fesses par un autre homosexuel, c'est une agression aussi. Il n'y a Oui, mais si ce n'est pas désiré. À ta minute, là. Il n'y a pas à ta minute. Si ce n'est pas désiré, s'il n'y a pas de consentement libre et éclairé, c'est une agression. C'est ce que le slogan dit. Et le slogan n'a pas de vagin. Ce que je veux dire, c'est que le slogan n'est pas réservé à un seul sexe. Tout à fait, t'as raison. Mais c'est une question, comme tu disais, de culture. Parce qu'il n'y aura pas un homme qui va oser dire... Tu sais, combien d'inconduites sexuelles et combien d'agressions sont vécues et ne sont pas dénoncées. Quand tu vas au restaurant, mettons, chez Maman Fournier ou chez Giovanni à Montréal, c'est sûr que c'est pas une place à ça, tu sais. Mais quand tu vas dans des lieux de rencontre, de bar, tu sais, où on sent que c'est des rencontres. Les rencontres sont faites pour ça. Rencontrer des hommes et des femmes, il y a comme, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se passe, là, tu sais. Fait que donc, écoute... Quelque chose qui se passe, qui invite aux attouchements? Qui invite à l'attouchement? Moi, je suis pas le meilleur sujet à ça, parce que ça fait 25 ans que je suis avec la même femme, puis je suis fidèle, puis on fait nos affaires ensemble. C'est ce que tu as dit. Mais avec ce que j'entends, où j'ai entendu, puis qu'est-ce que j'ai vécu bien avant, c'est que des fois, tu vois, mettons dans un club échangiste ou dans un club ou dans un lieu de rencontre où ce qu'on sait qu'il se passe des choses, puis c'est fait pour ça, tu sais. Oui. À ce moment-là, il y a un consentement. Tu vas là pour ça. Mais encore. connaître des gens. T'es dans un club échangiste, c'est pas parce que t'es dans le club échangiste que tu veux nécessairement échanger avec tout le monde. Oui, mais il y en a qui vont dire « tu m'intéresses pas, ça me tente pas ». Ça aussi, ça peut se dire, parce que pas parce que tu vas dans un club échangiste que c'est free for all pour tout le monde. Non, je regrette, c'est pas ça. Tu sais, il y a des choix qui se font. La femme peut choisir, l'homme peut choisir, ben quoi que les gars, bah. Mais les femmes peuvent choisir, tu sais. Fait que donc, je me dis, là aussi, il y a des règles à pas dépasser. Ben, je sais pas, moi, tu sais, je me pose la question, mais en même temps, j'ai pas de réponse à ça. Mm-hmm. Parce que, qu'est-ce qu'on entend, c'est plus sur des, moi, je pense, des gars qui ont un certain pouvoir, mm-hmm. Des hommes, on entend plus ça des hommes qui ont un certain pouvoir, qui utilisent leur pouvoir, qui en abusent. Quel pouvoir? D'être en situation d'autorité. Un professeur, un homme d'affaires, bon, l'affaire Weinstein, là, un gars qui était à la tête d'une compagnie de production. Ces derniers temps, on a plus entendu parler de tout ce qui touchait la sphère culturelle. On n'entend pas parler de ça. T'sais, admettons, là, on a parlé de Charles Dutoit, l'ancien chef d'orchestre de Montréal, t'sais, qui avait eu des inconduites sexuelles. Ça, c'est dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la télévision. C'est toutes des choses qu'on n'entendait pas avant. Et ça, c'était comme, oups, un nouveau volet, un volet qu'on était plus ou moins conscient, où on disait, bon, ça se passe pas. Mais ça, je trouve ça intéressant. Pour que ça arrive, c'est pas ça, mais que ça soit dévoilé, tu sais. Ces inconduites sexuelles-là. Fait que donc, ça fait le tour du monde. Hein. Oui? Juste avant d'aller à la pause, on a une auditrice ici. On va l'appeler Annabelle. Si mon cellulaire peut finir par coopérer, l'enfant de Madame. Il ne coopère pas. Ah, et voilà. Qu'est-ce que c'est, maman? Donc, ben oui, donc je vais l'appeler Annabelle. Le pire moment de drague non désiré, c'est qu'il y a 3 ans, quand j'étais chez le meilleur ami de mon ex pour une soirée jeux vidéo. Eh mon Dieu. Qu'il a ouvert les portes toute la soirée par des « on dirait, tu t'es mis belle pour moi ce soir ». Ah, boy. Ou « je suis un sweet lover, un bon amant, mes partenaires ». Donc, il y avait tout le temps une connotation sexuée, sexuelle là-dedans. Un petit peu que je me retrouve. Je suis un sweet lover, un bon amant, mes partenaires, je les traite bien et j'écoute ce qu'elles aiment alors que je lui... Oups! Que j'ai de la misère avec mon cellulaire. Alors que je lui ai spécifié que je ne recherche aucune relation sexuelle ni d'histoire d'un soir, que dans le pire, s'il veut absolument un one night, je vais juste m'en aller et on se reprendra pour une autre soirée de jeux vidéo. Que je reçois la phrase « d'accord, pas de problème, je ne ferai rien contre ton gré », puis qu'il me propose de boire encore plus d'alcool et réessaye à maintes reprises. Maintes reprises, voilà le mot. Maintes reprises, donc insistance. Ma question est, est-ce une tentative d'agression? A-t-il essayé de forcer son désir? Donc, Annabelle lance la question, est-ce que c'est une agression? Est-ce qu'il a essayé de forcer le désir? Je vois Maître Pascal Albernaillet est parmi nous. Il est arrivé parmi nous à voir se joindre à nous tout de suite parmi après nous. La pause. Parmi nous. Il est parmi nous. Fait que, sur ce, revenez-nous tout de suite après. Ben non, c'est pas un orgasme auditif. C'est seulement C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. Vous êtes à C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Fier partenaire de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.fm. Vous êtes à Cibou, 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. De ressous à C'est fou le sexe. On parle de masculinité ce matin. On a eu la question d'une auditrice, Maître Pascal Albernaet, sexologue et psychothérapeute et chargé de cours au monde. Ben oui, hein, je pense hey, hein, c'est partout. Ici, à Trois-Rivières. Ça pèse, hein? On rit plus. Ben oui, je viens de me joindre à vous. Je vous écoutais dans l'auto. J'entendais les pires histoires de drague. Les pires histoires de drague. Ouais, puis j'ai accroché sur un petit quelque chose, Anthony, quand tu disais « Ah, les gars, les filles, peut-être qu'ils aiment se faire crouser de la même façon. » On dirait que je suis pas... Non, mais en fait, c'est pas ça. Je pense pas qu'ils aiment se faire... C'est une réflexion qu'on pourrait faire, mais qui n'est pas à faire, finalement. Dans le sens de... Ça veut dire que quelqu'un pourrait se dire ça. OK, mettons, un gars qui dit « Moi, j'aime ça me faire accrocher une fesse, donc lui, il va l'accrocher la fesse d'une fille. » Si j'ai deux de quotient, ben c'est ça que je me dis, tu sais. Ouais. Ouais, non, ça, je comprends. Tu comprends? Je me mets dans la peau d'un imbécile. Fait que je me dis « Ah, hey, moi, j'aime ça me faire toucher les parties, là, comme première approche. Là. Je vais essayer ça avec une fille. » Ben, ça s'appelle un petit manque d'éducation sexuelle. Oui, puis on s'entend qu'on en manque au Québec d'une éducation sexuelle, quoique avec la nouvelle Ouais, mais il y a tellement de choses à prendre en compte. Il faut faire attention, là. Quand on parle d'éducation sexuelle, c'est sûr qu'on ne va pas, dans un cours d'éducation sexuelle, aborder la question de la drague. À moins que ce soit quelque chose en disant, mais moi, mon corps, c'est à moi, puis je veux pas. Non. On va pas donner des indices, admettons, de culture à la drague. On a pas ça ici. Puis je pense pas que ça sert à ça. On dirait que c'est une éducation underground qui se fait à l'extérieur de l'université, dans des relations homme-femme, ou femme-femme, ou homme-homme, où ce qu'on en discute. Et c'est pas des choses qu'on va apprendre dans les cours universitaires à la drague. Et non, mais comme culture que dans le secondaire, ça pourrait être abordé. Non, mais écoute, comme culture illicite au Québec, on n'a pas ça. En France, ils l'ont. Avec les dérapages aussi, il y a des dérapages dans tout. Mais comment ça se fait qu'un groupe de Français me dit, mais comment ça se fait que les hommes ne nous abordent pas, on ne nous drague pas, ça manque. Pareil comme si... Puis là, il y a ça, là. C'est, mais j'imagine qu'il y a un besoin de séduire. Non, mais parce que je veux pas dire qu'au Québec, on est super, super... Oui, on est super sur certains coins, mais aussi en même temps, Il y a comme une peur, il y a comme... tu sais, il y a quelque chose là, qui bloque, là. Puis je me dis, non, c'est pas le paradis pour la sexo oui. tout le temps, là, tu sais. Pour l'érotologie. J'aimerais quand même qu'on réponde à la question d'Annabelle. Est-ce que, dans le fond, de forcer et d'insister, puis d'avoir des propos à teneur... Sexuelle, répétitive. Sexuelle. Est-ce que c'est une agression, Maître Pascal? Au sens de la loi? Au sens de la loi. Est-ce qu'on pourrait définir ça? Il n'y a pas un passage à l'acte, là. C'est la personne qui insiste. Annabelle, ce qu'elle est en train de dire, c'est que, ben moi, j'ai eu l'opportunité de quitter. Mm-hmm. On m'a pas forcé. Non. Fait qu'à ce moment-là, non. Techniquement, il n'y aurait pas d'accusations qui peuvent être déposées. Mais est-ce que toi, tu as senti que c'est un geste disgracieux c'est de la ça. Part de la personne? Puis que c'est un ami. Donc, tu reviens le lendemain en disant, écoute, je sais pas si tu t'en rappelles, je sais pas si tu avais trop bu d'alcool. Ouais. Mais tu as insisté, ça m'a dérangé. Ça, puis je me suis pas senti respectée. Fait que si c'est pour se reproduire, ben, si le gars s'excuse, j'aimerais ça que c'est ça. Tu sais, si le gars s'excuse, ou même lui, au lieu d'attendre que, écoute, hier, j'ai été un peu. Mais tu sais, s'il avait bloqué la porte, par exemple, ou s'il avait caché ses clés, tu sais, s'il y avait eu un geste de cette nature-là, là, oui, on pourrait parler, tu sais, à la limite de séquestration. Tu sais, il y a des genres d'accusations comme ça qui pourraient peut-être être portées. Mais tu sais, si elle avait comme, entre guillemets, la liberté de partir, puis elle a eu la, le guts aussi de le faire, tu sais, de dire, ben gars, moi, je me respecte là-dedans, tu sais, je fais pas à semblant que je suis bien juste pour continuer à jouer une game de jeux vidéo. Bon, je m'en vais, en bon français, je sac mon camp. Puis c'est ça, puis t'as une bonne discussion le lendemain avec cette amie-là parce que c'est un ami pour dire que ça t'a déplu. Fait que t'es en train de faire une forme d'éducation, finalement, avec ton ami. Tu lui fais prendre conscience, comme Pierre le dit, c'est ça, tu mets tes limites. Ton ami s'excuse. Écoute, il y a des bonnes chances que ça se répète pas. Puis si c'est amené à se répéter, à ce moment-là, ben écoute, tu sais, choisis tes amis, là, peut-être, ou ne bois, tu sais, ne te mets plus dans une situation avec cet ami-là, premièrement, où tu es seul, où est-ce qu'il boit de l'alcool, parce que tu sais que ça peut déraper. Mais encore là, tu sais, c'est ça, c'est à toi de mettre tes limites, puis de dire, ben gars, ça me convient pas, donc je me place pas dans ces situations comme ça. Si le gars a compris après ça, c'est cool. Oui, parce qu'on, la majorité des gens comprennent ça. Oui, oui, parce que les gars vont dire, ben écoute, les gars vont dire, mais je ne veux pas la perdre comme amie, c'est le fun de discuter avec elle, puis oui, l'aspect, bon, que j'ai été trop loin. Oui, il y en a. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler d'inconduite? Bien, c'est une genre d'inconduite, là. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça n'existe pas, là, dans le code criminel, inconduite. C'est ça, une accusation d'inconduite sexuelle, il faut que ça aille un petit peu plus loin. Mais c'est ça, c'est comme je dis, là, c'est des gestes, là, ordinaire, inconduite. Mais si ça se répète, exemple, ce comportement-là se répète à travers les semaines et à travers les jours, ça pourrait devenir du harcèlement. C'est ça pourrait devenir du harcèlement dans le contexte où, dans un contexte où elle n'a pas le choix de le subir. Je ne sais pas si c'est un collègue de travail, s'il habite sous le même toit, si c'est un collègue de classe. Tu sais, comme je dis, c'est pas comme un ami qu'elle peut flusher, là. Puis tu sais, si elle flushait, cet ami-là, puis là, lui, il continuait en envoyant des textos, des emails, en l'appelant continuellement, puis elle dit toujours non, non, non. Ouais. Ben là, oui, on accumule un dossier de preuves, là, finalement. On garde tout ça en preuve, là, les textos, les téléphones. Puis on peut aller voir la police, puis dire, ben regarde, moi, je suis victime d'harcèlement de la part de cette personne-là, puis j'aimerais ça qu'il arrête. Mais tu sais, c'est ça. Habituellement, quand on pose nos limites, la majorité des gens vont comprendre. C'est juste qu'on dirait que les femmes... Des fois, on a été éduqués, socialisés, pas pour, j'ai envie de dire pour plaire, tu sais, c'est difficile de dire non. On, tu sais, la petite fille qui est sage, qui est là, qui est souriante, qui est cute, qui se met pas en colère, ben c'est ça. Des fois, ça peut être dur, là, socialement, de dire « Hey, non, puis ça me convient pas. » Alors, il y a de l'éducation sexuelle à faire auprès des gars, mais il y en a aussi à faire auprès des filles. Exactement. Effectivement. Ça, tu disais, Anthony, tantôt. Exactement. Hein? C'est ça que je dis. Bien d'accord avec ça. Il y a de l'éducation à faire pour l'ensemble. Et moi, dans ma position, et puis c'est un peu ce que je veux faire partager aux auditeurs parce qu'ils sont invités à la conférence, mais aussi à mes confrères, consoeurs, c'est mon expérience de père, dans le fond. C'est la seule chose unique que je peux partager parce que j'ai presque autant de gars que de filles. Puis j'en ai de tous les âges, à partir de 4 ans jusqu'à 19 ans. Donc, l'éducation à la sexualité prend une place importante, ne serait-ce que pour faire de meilleurs parents plus tard, de faire des parents, d'eux, ils vont devenir parents, peut-être. Puis tu sais, on parle d'une éducation à des comportements précis, là, comme par exemple ne pas insister, respecter le consentement, savoir dire non, poser ses limites. Mais tu sais, tout ça s'englobe dans quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire ben, à la maison, à l'école, dans les relations interpersonnelles, fait qu'on parle pas juste dans des contextes précis de drague, mais dans nos relations interpersonnelles, comment justement qu'on les pose nos limites, comment qu'on est à l'écoute des autres, à l'écoute de soi, comment est-ce qu'on... C'est quoi nos valeurs par rapport au respect, etc. Fait une fois qu'on a, comment je peux dire, une fois qu'on a bien intégré ça, qu'on est bien éduqué par rapport à ces valeurs-là, puis c'est juste être, savoir vivre en société, en général, dans un contexte de drague, ça va bien. Tu sais, c'est comme la continuité, c'est juste qu'on tombe dans un contexte plus précis, plus près de l'intimité, plus gênant, plus malaisant, plus drôle, ça dépend des, ça dépend ça des dépend. Fois. Fait que, tu sais, on est comme bien éduqué dans la vie avec les autres, bien, souvent, dans l'intimité, bien, ça va se refléter. Fait qu'Annabelle, j'espère que ça répond à votre question. Ouais. Mais même dans les couples... On invite les autres auditeurs à nous poser des questions. Excuse-moi, dans les couples mariés ou en conjoint de fait, peu importe, là, le gars pourrait s'asseoir, admettons, même dans un lit, tu sais, on est couché, le gars prend le sein, il commence à tapoter, ou il va passer sa main sur la vulve. La femme dit, écoute, ça me tente pas, là. C'est pas là, ça me tente pas, je suis pas là. Le gars, il arrête, il respecte. Mais le gars qui va continuer, ça qu'on parlait il y a quelques années, on avait parlé, tu sais, le sentiment d'être violé, même dans un couple marié, ou dans un conjoint de fait. Mais c'est le fait. Oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas mis ça en lumière. Est-ce qu'un homme pourrait vraiment abuser de sa femme et la violer, l'agresser? Donc, c'est d'abord poser la question. Mais tu sais, l'exemple du gars... On parle de 7 agressions sur 10 qui sont des agressions intraconjugales. C'est quand même une proportion immense. Mais le gars, tu sais, qui ne va pas s'arrêter, qui va continuer à taponner, puis elle me dit, non, ça ne me tente pas. Puis le gars continue, mais ça, pour moi, c'est malaisant. Là. Mais le gars qui arrête, il essaye, il arrête. OK. Et le chantage sexuel là-dedans aussi. Oui. Ben, c'est ça, tu m'aimes plus. C'est ça, tu me trompes. Pour avoir ce que la belle. Là, c'est bon d'avoir une bonne discussion le lendemain en disant qu'est-ce qu'elle est. Filles, ça arrive. Ouais. Ben là, c'est ça, vrai. Ça te tente pas. Ben, c'est ça, c'est parce que t'étais voir ailleurs. Ben non, c'est juste pas je suis fatigué. C'est des choses qui s'entendent dans les cours. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup plus. C'est bon, c'est bon à une bonne discussion le lendemain, puis des fois, on peut dissiper les obstacles. Ah non, non, c'est pas parce que je t'ai trompé, parce que ça me tente pas, puis ça. Je veux pas, puis je suis pas à ça, je pense à d'autres choses, c'est bon. Fait qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais là, on n'est pas pareil, fait pareil. Ben oui, on peut peut-être penser des choses. On n'est pas fait pareil. Puis, tu sais, il y avait des hommes et des femmes aussi qui vont comme compulser en fuyant un peu les problèmes qu'ils ont. Ils vont compulser dans la sexualité. Et là, il y en a un qui va dire, mais est-ce que c'est. Ils veulent faire l'amour? Non, c'est pas ça. Ils veulent comme expulser une tension sexuelle, tu sais. Et là, c'est là que je me dis, il faut bien se connaître, hommes et femmes, avant d'arriver à certains complémentarités. Puis quand on ne connaît pas la femme, on sort avec elle la première fois, puis, puis ça aussi, c'est clair. Le gars, il s'en va, puis on s'embrasse-tu, on se fait-tu. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Pierre, dans le compulsif, parce qu'effectivement, il y a des couples qui viennent qui se présentent en thérapie de couple, parce qu'ils disent, bon, la femme, elle n'a pas de désir. Moi, là, on évalue, on explore. Finalement, ils font l'amour, je sais pas, moi, trois fois par semaine, là, puis la femme, elle a le goût, ça, trois fois par semaine, là. Fait que là, à ce moment-là, c'est pas qu'elle a pas de désir, c'est que le gars, il voudrait faire l'amour quatre fois par jour, tu sais. Mais c'est... là, il aimerait ça que sa blonde la suive. Fait que là, on se questionne, justement, quand tu dis « il compulse » pour que ça diminue une tension, c'est comme si la sexualité devient un peu l'exutoire par rapport à autre chose pour fuir son anxiété ou d'autres problèmes, puis tu sais, on... Ouais. Parce que c'est comme un peu la pointe de l'iceberg, là, les comportements au niveau de la sexualité. Fait que c'est vraiment intéressant ce que j'apprends. J'ai envie de te poser la question, puis là, on s'écarte du sujet, mais c'est quoi faire l'amour? Et c'est quoi avoir une compulsion, une masturbation à deux qui dure 5 minutes, 10 minutes? Mais faire l'amour, c'est quoi? Et c'est là, moi, je mets ça souvent en question. On a fait l'amour. C'est quoi l'amour? T'as fait quoi? L'amour? Quoi? C'est quoi? T'expulsé de tension sexuelle, t'as éjaculé, t'as fini, t'as pas continué, puis c'est quoi que t'as fait? C'est quoi? Mais c'est ça, on revient à ça, là, puis faire l'amour, ça prend une complicité. Ça prend vraiment, faut que je connaisse, faut qu'elle me connaisse, faut qu'il y ait quelque chose qui soit bien fort, t'sais. Mais en tout cas, je suis rendu là, je suis pas romantique, là, moi, là, je pensais pas des choses comme ça, mais je me dis, non, mais c'est vrai. Non, mais là, ta réputation est attachée. Mais c'est quoi? Non, tu sais, il y a tout ça là, qui fait que... Mais puis un jeu sexuel, ben, c'est autre chose, un jeu sexuel. Là, on arrive dans une autre dimension, puis... Mais tu sais, il y en a plein de couples là, qui font l'amour pour, on va dire, libérer les tensions. Il me semble que ça va me relaxer, ça va me changer d'idée. Ou on fait une petite vite, ils baissent, mais ils font pas l'amour. Mais j'allais dire, des fois, la difficulté de certains couples, c'est justement, exemple, là, je donnais ça un petit peu extrême, mais le gars qui a envie de le faire quatre fois par jour, tu sais, je suis pas certaine, moi, qu'il... Il fait pas l'amour. Souvent, la partenaire, ce qu'elle va dire, la fille, dans ce cas-là, elle va dire, ben écoute, je me sens comme un objet, je me sens utilisé, justement, puis j'ai l'impression qu'on n'est pas en relation quand on fait l'amour. C'est plus pour... Utilitaire. Oui, il y a quelque chose comme utilitaire. Puis la fille vient à se questionner. Écoute, toi, tu me dis que tu as beaucoup de désir, que c'est toi qui est normal entre les deux, parce que tu dis que c'est moi qui n'en ai pas assez. Mais tu sais, jusqu'à quel point que c'est toi qui est normal, parce que justement, qu'est-ce que la normalité? J'ai l'impression que c'est comme une compulsion, puis c'est plus pour assouvir quelque chose. Oui, effectivement. Comme je me souviens d'une femme qui était peut-être une trentaine d'années, j'avais reçu... dans mon bureau, puis elle me disait, moi, j'ai un problème, ce souci, c'est que je faisais... faisait 20 ans qu'elle était mariée avec, était mariée avec son conjoint, avec son... Bon. Elle dit, on faisait l'amour 4 fois par semaine, nous autres. Et là, je pense qu'il m'aime plus. Ben oui, c'est quoi, madame? On fait l'amour 2 fois par semaine. Moi, j'écoutais ça. Je me dis, oh, bon, t'aurais bien consulté pour ça. Et là, à l'époque, je ne vivais pas quelque chose de bien fun avec ma partenaire du temps. Je me disais, bon, c'est ce qui devait être à la place de l'autre. Fait que je me dis, c'est quoi faire l'amour 4 fois par semaine? Tu peux pas faire l'amour 4 fois par semaine. Là, c'est descendu à deux. C'est quoi le rapport entre les deux? C'est quoi l'intimité entre les deux? C'est quoi? De quoi tu parles, eux autres, tu sais? Ça doit être une petite vie quand même assez vite. Fait que donc, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Je dis, il y a des gens qui veulent compulser, qui veulent évacuer, qui veulent rentrer dans des standards, de dire, on est normaux parce qu'on fait l'amour X fois par semaine ou X fois par mois. Mm-hmm. Mais ça, ça dépend de toi avec ton partenaire. T'as pas à te frotter par rapport à des statistiques qui peuvent être erronées, ouais, là, tu sais. Fait que... Mais justement, parlons-en de la pression sociale, si on veut, au niveau de la masculinité, parce qu'on le rappelle, c'est le sujet, mais c'est vrai, loin. Hein? Ben oui, on est loin de... pareil, on a pas on sait pas c'est quoi. D'autres choses. Mais la pression sociale, c'est quoi être un homme en 2018? Qu'est-ce qu'on doit être? Qu'est-ce qu'on ne doit pas être? Ben, tu la vis comment, toi, Anthony? Dans la trentaine. dans la mi-trentaine. Fais un témoignage en tant qu'homme, Anthony. Et si tu peux pleurer, vas-y, on t'écoute. Écoute, oui, Jeannette. On a une boîte de Kleenex pas loin. Jeannette Bertrand a fait sa carrière avec ça. Et puis Claire Lamarche aussi, par ailleurs. Mais pour vrai, toi, t'en sens-tu une certaine pression sociale, un moule dans lequel tu dois rentrer? Je dirais que j'assume ma masculinité par mes rôles sociaux, entre autres. C'est-à-dire, ben, mon rôle d'étudiant masculin dans un domaine exclusivement ou très, très majoritairement féminin. Mm-hmm. J'essaie d'avoir. En fait, non, j'ai des positions qui sont parfois nuancées par rapport à certains sujets, notamment en sexologie. Mm-hmm. Et j'essaie de les mettre d'avant. Mais aussi, j'essaie d'être. D'avoir un certain. D'être un certain leader positif pour le genre masculin, oui. Si je peux dire ça. Au sens où je m'intéresse à la femme, je m'intéresse à la situation féminine. Donc, je peux me revendiquer d'être un féministe, mm-hmm. sans être un radical, mais minimalement, pour mais l'équité. Ça serait quoi les j'ai envie de dire ça comme ça, là, les standards auxquels les hommes doivent correspondre? C'est quoi tu vois? C'est quoi tu sens? Même si tu n'y adhères pas, ça ressemble à quoi? Bien, d'être... C'est étrange, mais c'est une certaine dualité entre les extrêmes. Finalement, de retomber un peu plus centré. On a vécu la période des hommes roses où on devait être Madame Blancheville ou Monsieur Blancheville, si on veut. De vivre nos émotions, de et ça a été très sain, je pense, pour les hommes. Moi, quand je suis triste, ben je pleure, effectivement, mm-hmm. c'est ce que je fais, et je le vis très bien. Ma masculinité n'en souffre pas. Je me sens pas vulnérable dans ce temps-là. Parce que tu as confiance en toi. Parce que j'ai confiance en ce que je suis. Finalement, je me définis pas comme un comme disait mon ancien maître d'arts martiaux, un mâle-mâle. Je me sens pas un mâle-mâle. Je me sens pas... C'est un mâle-femelle. Je me sens ni un mâle-femelle. Je me sens simplement moi-même. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est dans un spectre où est-ce que j'ai des côtés où j'accepte ma féminité et j'accepte ma masculinité. J'ai des côtés qui sont plus féminins et j'ai des côtés plus masculins. C'est un peu ça le paradoxe, parce que les hommes, ben je veux dire, en tout cas, pas les hommes, mais les stéréotypes par rapport aux hommes, c'est par exemple de vouloir être fort, de se montrer... Pourvoyeur, etc. Puis c'est le paradoxe, c'est on devient fort quand on est capable d'être en contact avec nos vulnérabilités, quand on les assume, quand on les accepte, quand on les embrasse, finalement, tu sais. Fait que c'est là qu'on devient fort, parce qu'on a comme plus... On n'a plus peur d'être qui on est réellement, puis de se montrer sur toutes nos couleurs. On n'est pas juste dans la couleur du rouge, du gris, puis du noir, celle de je sais pas moi, de la... Je me sens en image, mais tu sais, celle de la force, justement, celle de l'homme pourvoyeur ou celle du gars qui pleure pas ou whatever. Fait que quand on peut embrasser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ben c'est là qu'on devient fort, parce qu'on n'est pas encarcané dans un petit moule, puis que finalement, on peut en souffrir, puis que... Au bout du compte, là, on n'est pas heureux. Là. Mais la force, c'est pas seulement une force physique qui a déjà été tellement valorisée, tu sais, parce qu'on a eu... Là, actuellement, la société est dans un monde où, bon, on travaille au bureau, on n'a pas besoin tant que ça, nécessairement. Même la force physique, effectivement. C'est ça. Effectivement. Avant, c'était la force physique qui faisait que la société pouvait avancer. Mm-hmm. Maintenant, c'est plus nécessaire. Maintenant, c'est ça. On est rendu à une étape où l'humain doit développer la force mentale. Ouais. Puis son estime de soi. C'est pour ça que on est, je pense qu'on est vraiment dans un moment culturel où les hommes se re-questionnent peut-être par rapport à ça. Bien, absolument. Mais moi, j'aime me considérer comme un mini-wheat. prenez votre boîte de mini-wheat. Un Fruit Loops? Non, pas un Fruit Loops. Ben, je suis rond, mais pas à ce point-là. Oh t'sais. Boy, givré, hein? Ben, givré surtout. Mais oui, j'ai un côté givré, j'ai un côté savoureux. mais j'ai surtout... Au sens où, oui, je suis très manuel. Je suis vraiment très manuel. Et j'avais un... Tu travailles de tes mains? Moi, j'ai fait un DEP en technique d'usinage, by the way. Ah oui, c'est bon. Oui, je suis capable de me servir d'une machine. Tu débrouilles bien. Et oui, je fais de la construction. J'ai construit ma maison de A à Z. Mais ça, pour bien des femmes, c'est sécurisant. Mais j'ai écrit de la poésie aussi. J'ai écrit des pièces de théâtre. Et, j'écris... et tu fais des conférences. Et je fais des conférences et puis je fais de la sexo. Mais des fois, ben ça m'arrive de changer un moteur d'essuie-glace. Bon. Il est en train de dire que c'est l'homme parfait. Là, c'est ça, ouais. Mais non, je s'est découvert son équilibre à lui qui s'est développé dans plusieurs facettes. C'est mais, bon. Mais on m'a souvent remis en question, justement. Mais, on me disait, ben t'es pas assez masculin ou. Coudon, pas assez macho. Coudon, t'es momoun, c'est quoi? Ce qui ne sont pas des termes employés, bien entendu, mais... Parce que c'est péjoratif. Parce que c'est péjoratif. Très péjoratif. Mais tu sais, quand tu vas dans, j'ai envie de dire, dans les autres couleurs de l'arc-en-ciel, là, dans le rose, le jaune, le mauve, je sais pas trop quoi, là. Oui, c'est ça. Mais quand tu t'éloignes des, mettons, du moule ou des stéréotypes masculins, puis qu'on est à l'aise, justement, d'aller naviguer dans d'autres zones qu'on pourrait appeler peut-être plus féminines... oui, ça veut dire. Bizarre, un peu, même en tout cas, c'est un peu ça. Mais, y avait, Mais ça veut dire, si on est capable de naviguer ailleurs, d'une certaine façon, ce que ça veut dire, c'est ça, c'est qu'on se sent suffisamment solide de l'autre côté de l'arc-en-ciel, dans nos zones plus masculines, on va dire. On se sent suffisamment solide pour pouvoir partir, puis pas sentir qu'on a comme une perte identitaire, de pas sentir qu'on est moins homme, exactement. Parce qu'on le sait, et on a comme un bon ancrage, nos racines sont bien ancrées profondément, donc on peut se permettre de naviguer ailleurs. Puis c'est ça, c'est ça justement quand je dis c'est quand tu peux rentrer dans des zones plus vulnérables ou plus loin de ce qu'on s'attend de toi comme homme, c'est là que tu deviens réellement fort, parce que tu peux explorer plein de choses, tu peux aller à la découverte de toi-même sans justement te barrer, là, d'être barré face aux stéréotypes. En tout cas, ça, je ne sais pas si mon message est clair, mais oui, c'est moi, je le trouve. C'est très, très intéressant ce que tu dis, Pascal, mais en même temps, moi, tu parlais, puis ça faisait réfléchir. C'est une question aussi, en même temps, d'éducation. Il y a des hommes, tu vas dire, en même temps, laisse aller ton aspect féminin en toi, puis viens me rejoindre. Il y en a qui vont dire, fuck off, hostie. Ça me tente pas. Ouais. Puis il y a des personnalités qui vont avec ça. Comme moi, mais c'est parce qu'on l'a tous. Soyons nés des années 50. Ouais. Moi, je pensais à ça, Anthony, quand il parlait, il disait, moi, c'est quoi la masculinité? Mais moi, un des premiers principes que j'ai appris quand j'étais plus jeune, c'est prendre les devants. Prendre les devants, puis ça va-tu bien? T'as-tu besoin de quelque chose? Parce que si on n'apprend pas nos... Excuse-moi, Pierre, je te coupe. Si on n'apprend pas à nos jeunes garçons d'aller dans ces autres zones-là, c'est comme... j'arrête pas de demander. Si on leur apprend pas, c'est leur nuire, là, finalement, parce que... Il y en a qui veulent pas. Un exemple... Mais c'est parce qu'ils vont l'apprendre à la dure quand ils vont rencontrer des épreuves. Exemple, ils vont avoir une rupture amoureuse ou un échec ou quoi que ce soit. Puis là, ils vont toucher à ce moment-là plus à leur vulnérabilité, le fait qu'ils sont fragiles, le fait qu'ils peuvent être dépendants amoureux. Puis là, tu sais, il y a... tout ça, s'ils n'ont pas appris à naviguer dans des zones plus sensibles, disons, dans des zones peut-être plus liées aux émotions, ça va être dur pour eux. Ça va être un méchant clash. Puis là, c'est là qu'en thérapie, on reprend ça avec eux. OK, c'est quoi toi? C'est quoi pour toi être un homme? C'est quoi pour toi être en contact avec tes émotions? Puis t'en as tout le monde, c'est de leur apprendre aussi, c'est niaiseux, on dirait qu'ils le savent pas tout le temps. C'est de leur apprendre que tout le monde a des zones vulnérables, tout le monde a des zones de fragilité, tout le monde a des émotions. Puis on leur apprend justement à essayer d'être mieux quand avec ça. Quand tu vas dans un monde thérapeutique, c'est super ça, t'es bonne là-dedans. Puis moi aussi, j'ai fait ça. Mais à un moment donné, il y a des gens, puis je répète encore, tu sais, on dit les jouets no gender. Là. Faut pas donner, admettons, des jouets spécifiques aux petits gars, des camions, des jouets de garde, puis des poupées aux filles. Ça, c'est correct aussi. Mm-hmm. Mais il y a des petits gars qui veulent rien savoir des poupées. Ils veulent rien savoir de ça. C'est correct aussi. Et il y a des filles qui veulent rien savoir aussi en même temps, bon, des camions qui vont jouer avec les poupées. Absolument. Ça dépend du contexte. Puis à un moment donné, il y a comme un flou qu'on se dit, c'est correct comme ça, mais laissons l'enfant choisir qu'est-ce qu'il veut. Exactement. Chez nous, il y a un gros bac à jouets. Il y en a partout, des jouets. Sur 4 étages, oui, 4 étages, by the way, sur 4 étages, il y a des jouets. C'est le fun à ramasser, by the way. Mm-hmm. Mais il y a n'importe quoi, là. T'as de la poupée, t'as de la Barbie, t'as du toutou, t'as des G.I. Joe, t'as n'importe quoi. Fait que la petite fille ou le petit gars qui vient chez nous en visite, ben, il trouve forcément son compte. Puis oui, des fois, mon gars file pour faire de la cuisine. Mm-hmm. Puis des fois, ma fille, elle décide de jouer avec le tracteur. Mais c'est ça. Mais souvent, sa préférence va... les préférences, exemple de ma plus jeune, va être de jouer aux poupées, de jouer avec ses bébés. Oui, bien ça, c'est d'encourager les jeunes à justement sortir des stéréotypes de genre. Là, on parle par rapport au choix des jouets. Mais je veux dire, tous les petits garçons, là, jusqu'à la mort, là, les petits garçons jusqu'à vieux garçons, je veux dire, ils vont tous vivent, ils vont tous pleurer à un moment donné, ils vont tous se blesser, absolument. Ils vont avoir une petite chicane avec un ami, c'est sûr que ça va arriver, fait que c'est là où c'est pas tant, ben oui, il y a tout le contexte des stéréotypes de genre avec les vêtements, les jouets, les activités, etc., mais c'est aussi beaucoup dans l'approche, dans comment accompagner cet enfant-là à être en contact avec ces zones-là de vulnérabilité, avec ses émotions, fait que de pas mettre le couvercle là, par-dessus le chaudron qui est en train de bouillir, mais de l'aider à s'exprimer. OK, là, t'es en colère, ben c'est, dans la colère, y a-tu de la peine? Puis c'est d'aider le jeune à pouvoir ventiler puis à pouvoir nommer ses émotions, parce que la colère, c'est comme une émotion primaire. Parce que c'est chez qu'on... l'homme, et c'est inverse. Puis en arrière de la colère, il y a pratiquement toujours d'autres émotions, puis c'est souvent de la peine. Puis c'est là qu'il faut aller avec nos garçons puis nos jeunes filles, bon, bien, aller toucher à cette peine-là. Puis plus qu'on va le faire souvent, puis plus qu'on essaie de l'accompagner là-dedans, mais lui, il va apprendre justement que, ah, ben c'est correct, c'est correct d'avoir de la peine, puis j'ai de la facilité à y avoir accès. Fait que quand je vais être plus vieux, forcément, dans mes relations intimes, bien, si ça va pas... Ben, je suis pas obligée d'être tout le temps l'homme fort, tu sais, justement, je peux m'appeler Anthony et être capable de pleurer quand j'ai envie de pleurer. Voilà. Mais moi, là où je reviens, tu dis, bon, ben là, il aime jouer à telle chose. Mm-hmm. Moi, je vais juste reprendre un exemple qui m'est passé dans ma famille. J'aime la couleur rose, j'aimerais porter des vêtements roses, mais le problème, c'est pas que je ne suis pas conscient que j'aime ça puis que je l'accepte pas, mais c'est que je suis pas capable de le défendre quand j'arrive en société devant mes amis. Oui. Que tu aimes le rose? Oui, si je parle d'un petit garçon, par exemple. Tu sais, il y a ça, il y a cette aspect. Un garçon avec un chandail au primaire, deuxième année, avec un chandail de Hall exploratrice, rose. Bien, sans nécessairement la chemise rose. Il y en a des hommes qui portent la chemise rose, là. Saumon qu'on dit. Oui, pardon. Bon, il y en a des roses aussi. C'est rose. mais il reste que si le jeune garçon aime ça, il y a une question de confiance en soi, puis d'être capable de le défendre aussi. Mm-hmm. Il y a là que je pense qu'on a un problème au niveau de la masculinité, là, au niveau de la société, puis notre éducation. À maison, ça peut être vraiment bien accepté, puis oui, tu as le droit, mais non, amène-moi pas ça pour que j'aille à visite ailleurs, là, oublie ça. Bien, il y a tout l'aspect des modèles. C'est quoi les modèles qui sont offerts à la maison, dans l'encourage? C'est pas les modèles de mâle, quand on tient un mâle, hein. C'est un thème qu'on parle pas. Mais, c'est quoi un mâle pour nous autres, les filles? Non, mais la question est vraie. Non, moi, je peux pas m'habiller en rose. Moi, je reste sur l'exemple des chemises. C'est juste laid. Un mâle, mais, c'est quoi pour vous? Non, mais c'est parce qu'elle... Mélanie? Oui, oui. C'est ça, Mélanie, elle parle de comment que le jeune, lui, va pouvoir assumer de sortir un petit peu des standards, des stéréotypes. Mais c'est ça, il y a toute la question des modèles à la maison. Puis, j'ai aussi envie de dire, tu sais, vous dites, ah oui, on va laisser le jeune choisir le jouet, mais c'est pas juste de laisser le jeune choisir le jouet, c'est que toi, tu peux accompagner les activités d'un message aussi. Puis peut-être que la première fois, il prendra pas la poupée, peut-être qu'il apprendra pas la troisième fois, puis la cinquième fois, peut-être qu'il apprendra jamais, mais il va l'entendre ton message si tu l'accompagnes de quelque chose, par exemple, de le dire, bien écoute, à chaque fois, là, tu peux lui répéter, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux l'apprendre la poupée, on peut jouer ensemble, tu sais, juste de lui proposer qu'il sente que c'est normal, puis que c'est correct, puis peut-être qu'il n'en aura jamais envie, mais il va l'enregistrer, ce message-là, que, hey, c'est correct, que moi, je peux jouer avec la poupée, même si elle choisit jamais. Oui, fait, c'est de la donc, par rapport à la chemise, tu sais, je veux dire, si tu as un papa qui apporte des chemises roses, puis des chemises fleuries, puis qui s'assume, puis c'est bien correct, il y a des chances que le jeune, il va l'assumer beaucoup plus à la maison. Fait que c'est sûr que si tu mets une chemise rose, puis il n'y a jamais de gars qui porte du rose à la maison, peut-être ça va être un petit peu plus dur. Difficile, parce que là, je pense à Anthony. Pauvre tes garçons, s'ils aiment le rose. Ben non, mais ils ont le droit. Ben, en fait, ils en portent plus, justement, de couleurs flashy. Mm-hmm. Moi, ça me va pas bien. J'ai pas un teint... Non, je t'imagine. Tu pourrais pas être modèle dans ce sens-là, tu sais. En fait, je les trouve belles, certaines chemises, mais je ne peux simplement pas les porter. C'est laide. Tu sais, moi, j'ai un beau-frère, il porte quasiment juste ça, là. Des chemises roses, puis du fleuri, là. Puis là, il est bien triste que Mex soit fermé, là, parce que ça en vendait beaucoup. Fait que, c'est ça, mais tu sais, il a un teint plus roux, puis les cheveux châtains, ça, il fait mieux. Voilà. Mais tu sais, il l'assume 200%. C'est sûr qu'il y a une question de style, puis encore là, ben toi, à la maison, comment est-ce qu'on t'a éduqué à sortir un petit peu de ce carcan-là, tu sais, j'ai un chum, moi, il s'est déguisé en Hulk Hogan une fois pour l'Halloween. Fait qu'on lui a acheté des leggings roses fluo, là, chez Ardennes. Tu sais, il les a portés longtemps encore pour jouer à l'ordi, là. C'était bien drôle, là. Fait que là, j'arrivais, il était en leggings roses. Mais tu sais, lui, c'est ça, quand je dis sortir de l'arc-en-ciel, là, lui, j'ai envie de dire, ben mon chum, coudon, il doit être à l'aise dans sa masculinité parce qu'il est capable d'aller dans d'autres zones qui sont loin des stéréotypes masculins. Il se sent pas moins homme avec un leggings rose. Ses racines sont bien ancrées profondément. Il a confiance en lui. Il a cette confiance-là dans son identité masculine, c'est ça, j'ai envie de dire. Mini anecdote avant la pause. Moi-même, je me suis déguisé pour l'intégration 2017-2018 de la cohorte. Je me suis déguisé en Barbie. Fait que... Je mettrai peut-être des photos sur la page de C'est fou le sexe qui est à entacher ma réputation pour toujours. Sur ce, revenez-nous après la pause. Tu veux avoir du sexe plein les oreilles? Reviens-nous à C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca 89.1. Le blog écoutedonc.ca se transporte à la radio. Karina Tardier et ses collaborateurs vous attendent chaque mercredi sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire de découverte musicale et de critique de spectacles de la région tous les mercredis de 18h à 20h avec écoutedonc.ca. Ce qui se passe sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins sur les ondes de CIFU. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. De retour à C'est vous le sexe, vous avez eu en introduction Pierre qui dit que oui, il reste 25 minutes, ça passe vite, bâtard. Ben oui. Ça passe vite, c'est vrai. Je remarquais, hier, j'étais à la cérémonie des remises de bourses parce que j'étais boursier. Ah oui? D'ailleurs, où t'es allé hier? C'est, dans le fond, la cérémonie était au CAPS. Au CAPS, OK. Et c'était fascinant, de mon point de vue, assis à regarder l'ensemble des boursiers et boursières déambuler. Où il y avait une poignée de main bien sincère et bien franche pour les hommes et une poignée de main avec accompagnée de deux bisous pour les femmes. Ooh. Mais what the... Mais où est-ce qu'on est, bâtard? Je me suis dit... Pourquoi un traitement différent? Pourquoi un traitement différent? Qu'est-ce qu'on fait les... Pourquoi pas donner des becs aux hommes? J'en veux aussi des becs. ou pas. Non, en fait, ma bulle proximale est assez grande. Sacre-moi pas de becs, s'il vous plaît. Homme-femme, ça arrive mon patience. Une bonne poignée de main, ça fait un job. Mm-hmm. Mais c'est une bonne question, tu poses là. Et pourquoi? Et surtout dans un modèle universitaire où est-ce qu'on célèbre, dans le fond, la performance académique, l'intelligence, le où est-ce que ben, on s'attarde encore à surtout la performance. Où est-ce qu'on est censé être professionnel? La performance, c'est pas seulement masculine, elle est aussi très féminine. Ça veut-tu dire que tu sentais que les deux becs faisaient, comme enlevaient un petit peu de légitimité ou c'est un traitement qui je trouve femmes, que c'est moins professionnel comme approche. Plus intime. Plus intime. Tu rentres dans la bulle plus personnelle, c'est ça que tu dis. Hein? Ou en fait, oui, ou si tu donnes des becs, donne-en à tout le monde. C'est ça, le exactement. J'ai aucun problème à recevoir un bec de notre recteur. Moi, écoute. Si c'est la norme, si c'est sociale, la norme, si tout le monde en a eu, pourquoi pas moi? Tu sais, ça me dérange pas du tout. Toutefois, ben, c'est drôle. Je me vois pas accueillir un de mes futurs clients avec un bec. Une cliente, pardon. Une cliente. Ben, un de mes futurs clients, cliente. Oui, oui. Je les vois pas les recevoir avec un bec ses joues. Mm-hmm. Non, on n'a pas cette attitude-là. Pourquoi qu'on l'aurait dans une remise de bourse? Là, tu parles de deux contextes différents, là, par contre. Là, ben, pas contexte thérapeutique où tu as une relation thérapeute. Oui, c'est censé être une relation professionnelle tout de même. Même si c'est pas thérapeutique, là, si tu sais, monsieur reçoit un client pour son entreprise quelconque, là, une vente de quelque chose. Il y a trois personnes que je vais embrasser, ma mère, ma femme puis ma maîtresse. Non, mais je veux dire, si on voulait comparer des pommes avec des pommes, à la limite, ça pourrait être un employeur avec un employé ou ton professeur avec un élève, mais là, dans un contexte thérapeutique, en tout cas, C'est le parallèle que je faisais. Oui, mais non, mais il y en a des des thérapeutes donnent des deux becs ou des accolades à leurs clients. OK. Mais pas nécessairement de la première rencontre, là, mais non. Ça peut arriver, mais en autant que le client soit d'accord, puisque ça va un petit peu aussi avec la... je ne sais pas, c'est une majorité de gens qui le font. Je fais juste dire qu'il y a certains thérapeutes qui sont très chaleureux, effectivement. Ouais, dans le contexte chaleureux, ils peuvent donner un petit accolade ou un deux becs à leurs clients quand la rencontre se termine, par exemple. Puis ça vient solidifier à la fin. À la fin d'une thérapie. Pas au début. Non, pas au début. À la fin d'une thérapie. Mais à la fin d'une rencontre. Une rencontre. Ça. Ah ouais, oui. À la fin de la rencontre. Quand le lien thérapeutique est bien construit et. Dans le fond, ça devient presque une relation d'amitié. Non, pas d'amitié. On reste plus dans une relation de rematernage, qu'on pourrait plus dire, que d'amitié. Fait qu'il y a quelque chose où dans ce lien-là que tu as avec ton thérapeute, des fois, parce que j'exagère, mais ça, on le voit un peu comme pas un parent, mais tu sais, mais c'est une relation qui est intime et qui est difficile à verbaliser. C'est que c'est pas une amitié, mais c'est, comme c'est tu dis, un maternage ou un pater... Mais même, c'est différent. C'est très dur à décrire comme sensation. Dans le traitement avec ton client, souvent, on parle de ben là, on s'éloigne du sujet complètement, là. Mais tu sais, c'est des gens souvent avec certaines carences ou peu importe. Puis c'est à travers le lien thérapeutique que tu te reconstruis. Ouais. Donc, je sais pas, moi, c'est à travers ce lien-là que tu peux sentir le chemin pour une fois, tu sais, le regard chaleureux, compatissant d'une personne envers toi. C'est à travers ce regard-là du thérapeute que tu peux te sentir beau, belle, bon. Puis là, ben tranquillement, tu regagnes la confiance, l'estime. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que le petit deux becs à la fin, il vient comme juste boucler la boucle puis renforce ce lien-là thérapeutique, mais c'est mais pas dans un... Mais ça dépend de l'approche aussi. C'est ça, ça dépend de l'approche. Perspective analytique, un peu moins. C'est ça, j'allais dire, si vous avez un thérapeute psychodynamique que vous devez vous voyez, puis non, oubliez ça, ça arrivera sûrement pas. Ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est ça, ça dépend du thérapeute tout le temps, et du client, là, évidemment. Effectivement. Mais oui, c'est ça, mais pour revenir au mouton, tu disais qu'il y avait un traitement différent. Il faudrait poser la question. C'était le recteur, tu dis? Faudrait en fait, c'est pour lui, que le recteur, lui, qu'est-ce qu'il avait en tête pour jamais offrir ce traitement différent? En fait, je crois que le recteur, et sans faire de préjudice à notre fameux recteur, au contraire, je crois que l'ensemble était pas mal des poignées de main. Je crois que j'ai pas vu de disparité au niveau du recteur. Okay. Mais il y a d'autres donneurs de bourses que c'était différent. Okay. Pour toutes les filles ou juste les plus belles? J'ai pas... Non, mais pour vrai... Les plus belles! Non, mais il y a vraiment... Il peut... Mais les plus belles, c'est subjectif. Mais non, mais subjectif donc, pour cette personne-là, plus, là, effectivement. Effectivement. Donc, je peux pas juger, malheureusement, si c'était les plus belles. Et peut-être que pour lui ou elle, c'était... C'est un terrain glissant, ça. Oui, mais ça peut être intéressant d'analyser ça. Mais là, on n'a pas la vidéo pour voir. Mais je crois qu'il y avait les gars, c'était majoritairement la poignée de main d'usage. Mais on s'entend que, de toute façon, ils ne les connaissent pas personnellement, là. Mm-hmm. C'est ça, c'est des purs étrangers. C'est ça. Accueilleriez-vous un étranger avec une poignée de main puis un bec ses joues? Non. Pas moi. Moi, non. Ça dépend des gens, ça dépend des cultures. Ça arrive souvent que je rencontre des inconnus puis il peut y avoir un deux becs, là, je sais pas. Dans la culture asiatique... Je dis pas que j'aime ça, mais tu sais, je suis pas non plus une agression. Dans la culture asiatique, on n'est pas là. Moi, j'étais confronté à ça avec mon beau-frère qui côtoyait une Chinoise de Vancouver. Mm-hmm. Et quand j'approchais pour lui donner deux becs, ça joue comme à la québécoise. Non, c'est ça. Ça ne marchait pas. Et là, je l'ai su par la suite, tu sais. Et c'est ça, une question de culture. Les Français s'embrassent deux, trois fois. Ben oui, ça, c'est ça. Sur la joue, tout ça. Puis c'est... Moi aussi, j'ai eu affaire à composer avec ça quand j'étais en relation, là, très longtemps, une quarantaine d'années, avec une Française. Alors donc, il y a plein de choses. Mais les Français, même entre hommes, vont se faire la bise. Ben, il faut que ça soit chaleureux. Il faut que ça soit quand même des gens, des amis ou des connaissances. Ils peuvent se faire ça, mais un peu d'étranger, c'est la main. Tu sais, il y a des cultures comme en Inde. Par exemple, les hommes en Inde se tiennent la main. Tu sais, on a l'impression qu'il y a plein de couples gays, mais non, ils se font juste se tenir la main. Puis ils sont pas chaleureux entre eux. C'est pas masculin du tout. Mais c'est cool. Ben, à la question, Mélanie, je te relance, c'est quoi un mâle? C'est quoi un homme qui se dit mâle? Et on ne pourra peut-être pas répondre à la question, mais s'il y a des auditeurs peuvent nous envoyer des... Non, là, on va arrêter de parler clichés, là, ça fait trop québécois, là. Moi, mais qu'on dise, les femmes et les hommes qui nous écoutent, envoyez-nous des trucs, des textos, puis c'est quoi un homme pour vous? Moi, ma définition de l'homme qui date de longtemps, c'est sécuriser ma partenaire, c'est être au devant, prendre l'avance, être au-devant. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux te donner ça? Et dans une relation sexuelle, c'est le faire jouer. Si je n'ai pas ça, ces conditions-là, ça ne marche pas. Dans le sens que tu n'as pas joué, comment ça se fait? T'as pas... Bon. Et c'est ça, comme si c'était pour moi, c'est ça, les notions de masculinité. Prendre soin, aller au-devant, changer l'atmosphère, aller les triches, je compte des farces, je compte des histoires drôles. Des fois, c'est pas tout le temps évident que c'est drôle, là, tout ça bien plat. Mais, tu sais, des choses comme ça, c'est ça. Pour moi, être un mâle, c'est ça. Prendre les devants, sécuriser et faire jouer ma partenaire, ou même aimer ma partenaire, mettre des limites, OK, je les dépasse pas, c'est correct, c'est cool comme ça. Et c'est ça, moi. C'est un peu protecteur aussi. C'est ce que je comprends, c'est ça. Oui. T'étais pas loin du rôle classique, là. C'est ça que j'avais envie de dire. Avec mes enfants, j'étais très... je l'ai encore. Ils viennent chez nous. Mon gars part de Saint-Jean-d'Iberville, puis des fois, j'ai donné 20$ pour ton gaz, tu sais. Non, j'ai pas besoin pour ton gaz. Fait qu'il l'a pris quand même, t'es bien content. Ma fille était venue en autobus, mais elle me dit, ouais, prends ça. Non, j'en ai pas besoin. Prends-les. Tu sais, c'est comme... Là, il se sentait mal, là. Oui. Ça fait 30 hectares. Mais ça, c'est des, je veux dire, c'est des clichés. Oui, mais c'est... Mais est-ce que c'est dans ta masculinité ou c'est dans ta personnalité? Oh. Parce que moi aussi... ma personnalité qui déteigne sur ma masculinité. Stéréotype, c'est-à-dire, ben, écoute, quand c'est pesant, c'est moi qui vais le faire. Quand c'est quoi? Quand pesant. C'est pesant, ah, si okay, la poubelle elle pèse 200 livres, ben, j'ai la force physique pour le faire, ben, c'est moi qui vais le faire, puis... Ah, c'est pour ça que les hommes sortent tout le temps les poubelles. Ils sont lourds. Mais un exemple, si tu m'aurais dit, Pierre, écoute, on va donner des jouets non genrés, c'est pas une question. Chris, je veux pas. On va avoir des poupées, je vais avoir des trucks et des G.I. Joe. T'sais. J'ai une collection de G.I. Joe quand j'étais jeune, j'avais 10 ans. Fait que, tu sais, c'est des fois la personnalité déteigne sa sexualité. C'est une question de personnalité. Il y a des gars qui vont dire, fuck all, si je veux rien savoir de ça. D'autres qui vont dire, oui, tu sais. Mm-hmm. Puis, les filles qui jouent avec des camions ou qui jouent avec des trucs de guerre ou qui prennent là-dedans, qui sont tomboy, qu'on dit, souvent, ça fait des femmes très, très féminines. Tu sais, il faut arrêter avec ça, là. Comment percevez-vous, et je lance la question à l'ensemble des femmes, nos auditrices ou peu importe, un homme qui pleure, est-ce que ça vous éteint? Du tout. Non. C'est pas une question d'ordre personnel, non. Mais... Un homme qui pleure, ça éteint. Est-ce que ça éteint? Ça dépend c'est quoi. Ça dépend pourquoi il pleure. Non, ça dépend. S'il se casse un ongle. Non, mais... J'ai manqué mon gâteau, il n'y a pas le lit. Non, il parle à travailler là, tu dis, écoute, arrête. Non, un homme qui pleure, une femme qui pleure, c'est juste normal. On est des êtres humains, on est des êtres d'émotion. Donc, encore une fois, je disais, c'est le contraire, tu sais, un homme qui pleure, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans ses zones de vulnérabilité, c'est ça qui le renforce, parce qu'il est capable d'aller dans ces zones-là sans sentir qu'il se perd ou qu'il n'est plus un homme, puis c'est là qu'il devient fort, quand il peut y aller. Fait que souvent, les hommes, ils ont des résistances, « Ah non, je veux pas y aller », ou tu sais, « Je trouve ça dur de parler de moi, c'est dur de m'ouvrir », mais c'est le contraire, là, quand tu vas y arriver, puis que, entre guillemets, tu vas être bien de le faire... Hey, tu vas avoir tout gagné. Tu vas gagner sur toute la ligne. Tu vas pouvoir aller dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis tu vas pouvoir te sentir heureux, être bien, pas te sentir inférieur, dévalorisé ou moins masculin. Et c'est là, peut-être, justement, comme tu dis, c'est où est-ce qu'on peut assumer réellement sa masculinité et se sentir bien dans qui qu'on est. Et qu'à ce moment-là, ben, on ne se sent plus uniquement un mâle ou une femelle. Je pense qu'on est qui on est, puis on avance. Puis peut-être juste se rappeler, là, dans le cadre d'un couple ou même en amitié, la définition de l'intimité, là, c'est la capacité au dévoilement de soi. C'est la capacité à nommer, tu sais, ce qu'il y a dans nos tripes, là, comment qu'on se sent, à nommer les choses au jeu, là, pas des critiques, mais à parler de soi, puis à les dire à l'autre, même si ça nous crée une anxiété de le dire. Puis souvent, c'est ça que je dis, c'est si tu as quelque chose à nommer, t'as quelque chose que tu vis, puis t'as des papillons, là, puis là, t'es nerveux, puis tu veux pas le dire, puis tu sens que tu deviens toute la bouche pâteuse ou les mains moites, ben t'es à la bonne place. Là, ça veut dire que t'as quelque chose d'important à dire, là. Puis c'est cette chose-là que tu dois dire. C'est pas de la garder pour toi. Ouais. Puis une fois que tu vas la dire, la majorité du temps, si on est avec des bons partenaires, pas des partenaires malsains, si je peux dire, pas dans des relations toxiques. Si on a des bons partenaires, il va avoir un accueil merveilleux parce que c'est juste ça qu'on souhaite, c'est comprendre l'autre. Puis pour comprendre l'autre, ben on doit justement arriver à se dévoiler un peu plus, dévoiler ce qu'on a dans nos tripes parce que personne ne peut deviner comment qu'on sent. Ça, c'est une règle universelle. On ne peut pas deviner comment que les gens se sentent. Ça, notez-le, écrivez-le partout. Donc, un homme... Hein? Je sais pas, il arrive une chicane, un conflit ou le couple est sous tension, peu importe la raison, si on arrive à avoir une discussion ouverte, franche, puis qu'un homme se met à pleurer, puis il dit « Écoute, moi, je sens le poids des responsabilités sur mes épaules » ou « Je sais pas, je me sens triste » ou « C'est dur au travail, les enfants, je suis épuisée » puis il y a de la tristesse qui vient avec ses paroles. Je vous le confirme, là, dans 99% des cas, dans des relations saines, il va y avoir un accueil merveilleux, là, puis vous allez sentir un poids s'enlever de vos épaules et vous allez sentir une proximité avec votre partenaire absolument incroyable. Vous allez sentir la relation, le lien entre vous deux, puis ça fait... Puis encore là, parce que ça peut vous encourager à parler, vous allez avoir une sexualité encore meilleure ensuite. Pas dans le sens du make-up sexe après votre dévoilement, mais dans le sens que ça vous rapproche de votre partenaire. Ça vous rapproche dans tous les sens, là. Pas juste sur le plan relationnel, mais ça peut aussi vous rapprocher sur le plan intime. Mm-hmm. Et l'intimité, évidemment, comprend la sexualité. En fond, plus le canal de la communication est bien huilé et bien utilisé. Et, bien huilé. J'aime ça quand tu dis ça. Ouais. Et dans le fond, plus il est utilisé et plus, dans le fond, c'est facile. Ben justement, la sexualité en devient en bonifié parce que justement, une relation sexuelle, c'est nécessairement de la communication et constante durant la relation. Puis, tu sais, il y a plein de petites nuances aussi là, à travers ça. T'sais, si moi, par exemple, je communique toutes mes angoisses dans le but que l'autre réponde à tous mes besoins puis qu'il me calme parce que moi, je veux pas me calmer moi-même. Là, tu sais, ça se peut qu'on tombe dans une espèce de dynamique ou un piège ou que, tu sais, ça ne me nourrit pas là, comme personne parce que je m'attends à ce que l'autre soit tout le temps là, soit ma béquille, puis mon calmant, puis qui calme toutes mes angoisses. C'est pas nécessairement de ça dont je parle, mais c'est vraiment, on vit une situation difficile. Moi, je me sens pas bien, j'arrive à le communiquer à mon partenaire. Puis on sent à ce moment-là qu'il y a vraiment un lien qui s'établit, un lien intime, puis qu'on fait comme « oh boy », puis vous allez le sentir instantanément, là. Ça se fait tout seul. Mais il faut passer l'étape de « Ah, ben je suis anxieux, j'ai des papillons, j'évite de parler, je garde ma tête dans le sable. Ouais. » Quelle mauvaise idée. Il y a une capacité d'introspection aussi qui n'est peut-être pas... La capacité d'introspection n'est pas facile pour tout le monde. Et souvent, justement, comme tu l'as si bien mentionné tantôt, les papillons, ça fait peur, ça fait mal. Ça fait très peur. Mais il faut être capable de l'affronter. Je pense que la capacité d'introspection, c'est la base du bonheur, je pense. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Je suis une fille, là. Laisse-moi y réfléchir, c'est ça? Tu non, c'est parce tantôt? Que t'es très songeuse, hein? Il y a les moments où je déconne, les moments où. Ah, là, t'es sérieux, ok, ça va. Ouais, ouais, t'as dans ton cœur de femme. Mais c'est vrai que c'est important, là. L'introspection, c'est clair. Est-ce que c'est la clé du bonheur? D'être capable de se parler là. En autant que tu sois capable de trouver l'équilibre puis de ne pas tomber dans des idées fausses. Oui. Que tu ne te convainc pas. Des idées fausses dans le sens des idéologies ou des pensées à l'air du temps, c'est quoi? Non, mais si, par exemple, je me questionne sur moi-même et j'en viens à me questionner tellement que je me remets... Tu sais, je doute toujours de moi. Là, ça devient néfaste. C'est moins la clé du bonheur. Il faut être capable de garder un équilibre et de dire, OK, là, la réalité, c'est ça. De ne pas tomber dans des idées réalistes. En même temps, le doute, on peut mettre un sens sur le doute. Puis des fois, ça peut être très difficile. On parle d'introspection, là. On a tous des résistances auxquelles on n'a même pas conscience. C'est pas pour rien que Freud parle de l'inconscient, puis du préconscient, puis de la zone consciente. Donc, on a beaucoup, beaucoup de résistances à aller vers des choses, des éléments plus souffrants à l'intérieur de nous. Puis des fois, c'est là où que... aller voir un psychothérapeute ou ça peut être juste jaser avec un ami, mais ça nous aide à valider, ça nous aide à mettre des mots sur ce qu'on vit, ça nous aide à aller plus loin que justement nos barrières. Parce que tout seul dans notre tête, là, des fois, à un moment donné, il y a une limite qu'on n'arrive pas à franchir. Là. On est comme bloqué un mur, puis on est comme « OK, ben là, je vis ça, mais je sais pas quoi faire avec. » Puis une fois qu'on va chercher de l'aide, là, mon Dieu, ça ouvre nos perspectives, puis on peut mettre des mots sur ce qu'on vit, puis ça nous aide à avancer parce qu'on... On a ce qu'on appelle des insights, c'est-à-dire on fait des prises de conscience. Puis une fois que cette prise de conscience-là est faite, on le voit, là, on dirait que c'est comme un éclair de génie qu'on a dans notre tête. Il y a comme une lumière, on dirait, qui vient de s'allumer. Quand cet insight-là est fait, on vient de faire un pas par en avant. Puis c'est bien rare qu'on recule en arrière. Là. On avance. Mais ça prend ces petits insights-là de fil en aiguille qui nous fait cheminer aussi comme être humain, j'ai envie de dire. Et ça, c'est beaucoup plus facile à l'aide d'un thérapeute. Le thérapeute est là pour... Il les voit souvent, nos résistances, où il va les sentir, il va servir de guide, puis il peut pas aller plus vite que nous, là, même si, tu sais, le thérapeute, exemple, lui, peut sentir des choses, les deviner, mais c'est avec son analyse, on dirait qu'il vit ça. Même s'il nous les nomme, là, si nous, on n'est pas rendu là, on croit, ben non, c'est pas ça pantoute que je vis. On n'est pas là. Fait que le thérapeute n'a pas le choix de vous suivre dans ce que vous dites. Il ne peut pas aller plus vite que vous, mais il va quand même utiliser des outils, des interventions qui vont vous aider à mettre des mots, à faire du sens, à avoir des insights, à cheminer, puis tranquillement, pas à pas, selon à votre rythme, finalement, bien, vous allez avoir un petit peu plus de lumière dans votre tunnel dans lequel vous êtes pris. Là. De ces techniques-là est notamment le reflet. Mm-hmm. Et le reflet, comme son nom l'indique, est littéralement d'être le miroir de l'autre pour qu'il puisse se regarder, se percevoir. Et finalement, des fois, ça va mener à un insight. Moi, je voulais dire, si on n'est pas prêt à aller voir un thérapeute, là, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, faut pas s'empêcher d'en discuter avec d'autres ou avec son conjoint et sa conjointe pour éviter justement de tomber dans les idées faussées. Là. Puis tu sais, c'est vrai. Puis ce que je voulais racheter, justement, comme on parle du dévoilement de soi, que c'est important, puis quand on a des papillons, on est à la bonne place, ça arrive souvent que le partenaire... Parce que tu sais, la difficulté à l'intimité, là, ça peut être partagé par les deux. Là. Fait que ça peut arriver que ça déstabilise l'autre. On peut sentir qu'on n'a pas un accueil par rapport à l'autre. Puis ça peut, en tout cas, je reviens à la thérapie, mais ça se travaille en couple, d'arriver à communiquer l'intimité, c'est-à-dire que l'autre arrive à avoir un accueil quand on parle, puis nous aussi qu'on puisse développer cet accueil-là puis cette facilité à parler de nous. Parce que des fois, l'autre, il dit « Je veux que tu parles, tu me parles jamais de toi, non. » Puis là, au moment qu'on le fait, on sent qu'on n'a pas l'écoute. Fait qu'il veut, mais il n'est pas capable, tu sais. Fait qu'il y a comme ce besoin-là d'être en intimité, mais notre partenaire n'est pas tout à fait capable d'être en intimité. Puis ça, c'est des choses, c'est comme des dynamiques, en fait, qu'on peut soulever en thérapie, puis on va le travailler, on va mettre ça en lumière pour, à la fin, là, que ce soit... Que ça soit, ben, pas plus naturel, mais ouais, que ça fasse moins peur, communiquer entre les deux partenaires. Ben, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. J'espère que l'émission vous a été agréable. Vous, chers partenaires, comment tout ça... Un très bref mot. Mélanie, non? Juste une surprise. Ça a très bien été. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. C'est le fun de pouvoir discuter puis de mettre en grain de sel. Hein? On est quand même des gens, Pascal, Mélanie, toi. C'est le fun aussi d'avoir le grain de sel des auditeurs. Oui, c'est pour nous autres, dit c'est quoi un mâle pour nous autres, c'est quoi un homme, c'est... Allez-y de façon spontanée, puis c'est correct, là. Oui, t'avais dit quelque chose, non? Non, j'avais rien de supplémentaire, à part un appel manqué, mais ça, je peux pas répondre en nom. Non, surtout pas. On essaie d'éviter. Fais un homme de toi. Attends. Donc, on se revoit mardi prochain? On se revoit. De 10 à midi? Mardi prochain, de 10h à midi. Et je vais arriver à 11h, comme sur les ondes. C'est fou, 89.1. Fait que, bye-bye. Bonne semaine. Ciao. Bye.